de Louis. C'est un coup isolé. Ben, au début, je pensais ça. Je pensais que c'était quelque chose qui était arrivé un peu par hasard ou par chance. Puis c'est un peu ça aussi. Par contre, en faisant la revue de presse, j'ai lu des affaires. T'sais, lui, t'sais, il est issu de Saint-Sauveur, c'est ça, on avait parlé. Puis après ça, il a travaillé, mettons, quand il avait probablement 22 ans, 68, à peu près en R10. Là. Lui, il travaillait pour un ferblantier. Où sont les bretelles présentement? Fait que quand ils ont détruit le quartier, je pense que ça l'a touché personnellement. Puis. Ici, t'sais, on voit, à un moment donné, il y a des gens qui... Je pense que j'avais lu un commentaire où j'ai entendu ça, que c'était comme une poudrière, t'sais, de l'eau fleurie, qu'on avait mis le feu dans une poudrière. Ouais, c'est ça. Puis quand tu regardes, moi j'ai compris des affaires, là, quand tu lis la revue de presse, que tu comprends, t'sais, toute la démolition du quartier avec le plan des années 60, puis les gens d'R10, là, ils disent que le gouvernement est comme... Et pas transparent, ils réussissent pas à avoir de réponse. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on sait qu'il y avait ce gros plan-là qui était derrière, probablement, tu sais, qui disait que le fédéral et le provincial se renvoyaient la balle, là, tu sais, un peu dans ce film-là. Donc, là, avec la grande place, il avait mis un moratoire sur démolir ou construire. Donc là, il y avait des maisons ici, de ce que je comprends, là, la maison Walker puis ces affaires-là. C'était des maisons du patrimoine qui était sur, tu sais, oui, le complexe Méduse un peu présentement. Hein. Donc, que je considère être des maisons patrimoniales de Saint-Roch puis Côte-d'Abraham. Puis là, on les a laissés dépérir. Là, la ville détruit une maison sans autorisation. Puis là, il y a d'autres gens, là, je pense qu'il y avait un électricien puis un menuisier ou un plombier menuisier qui avait acheté une autre maison patrimoniale. Qu'ils l'ont démoli, eux autres, quand ils ont vu que la ville respectait rien. Puis là, tu vois, M. Lamoine qui dit, là, dans ces articles-là là, que j'ai retrouvés, il dit, là, la ville, avec son propre, tu sais, ignore son propre service compétent, puis va détruire de façon illégale des maisons. Ben oui. Donc là, là, Louis, il habite là, tu sais, puis là, il voit ça. Fait que lui, tu sais, j'ai retrouvé des dessins de Louis qui fait, fait vraiment état de ça, là, tu sais, peut-être agonie, puis là, à un moment donné, trop tard, puis là, tu vois, la maison Walker, je te montrerai, mais c'est assez parlant. Fait qu'il a vécu ça, puis là, à un moment donné, là, il y a des gens qui se piquent, là, je pense qu'il y a un soir, il y a eu un coup de feu, puis là, je pense que c'est là où tu as parlé avec Charlotte, tu as dit, là, faudrait faire de quoi. Là, Louis, il a été nettoyer ça, il est allé, tu sais, au marché du Vieux-Port, il a acheté de la terre, des fleurs, planté ça, il a communiqué avec René Lemieux, ils ont mis des sculptures. Mais je pense que tout ça, puis à un moment donné, les gens, ils sont sortis, tu sais. Puis c'est peut-être des gens, là, moi, là, c'est sûr que je suis en train de j'ai rien pour prouver ça, mais là, quand t'as écouté R10, tu sens que dans le quartier, il y a une espèce de, il y a peut-être un ressenti, où il y a peut-être les gens commencent à être tannés, là. Puis là, les maisons patrimoniales, on s'en occupe pas comme on pouvait le faire, mettons, dans le quartier latin ou plus dans le Vieux-Québec. Fait que là, c'est comme tout ça laissé à l'abandon. On rase tout, on fait des autoroutes, on détruit le quartier, on exproprie les gens. Fait que quand là, les gens voient une lueur, ils décident de venir s'impliquer. Puis là, ça crée un mouvement citoyen, puis là, les personnes âgées, ils sortent, puis ils décident qu'ils s'approprient le lieu parce que c'est chez eux. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Fait que là, je suis rendu là, tu sais, quand je lis tout ça, je regarde, tu sais, R10, tout ça, je comprends quelques affaires, puis comment ça a pu impacter un jeune Louis qui a été témoin de toutes ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu te dis, ben là, c'est plus tant un hasard qu'une poudrière, tu sais, parce que au début, je comprenais pas pourquoi que les gens disaient ça, c'est comme une poudrière, mais dans le fond... Il y avait tout un contexte, il y avait quelque chose qui avait mûri, là, c'est comme quelque chose qui avait fermenté. Là. Même la ville ne faisait pas de ménage. Le monde n'achetait leurs déchets. Et puis, là, quand ils ont planté les sculptures, là, la police a dit, si vous ne enlevez pas ça, on vous arrête pour vous emmène en prison. C'est ça. Et puis, là, moi, c'est moi, ce que je me demande, c'est avant Lilo, j'aimerais ça qu'on commence là, avant. J'aimerais ça savoir à partir de quelle année à peu près vous avez vécu là, ici avec Louis ou sans Louis ou, En 81. 81. J'étais enceinte de Paul et puis on avait Louis de Madame de la Jeunesse, la maison 608. Saint-Vallier-Est, puis il y avait deux maisons pareilles. C'était sa sœur à côté. Okay. Puis un an plus tard, on a acheté la maison en 82. Parce que Louis adorait cette maison-là. Il aimait ça, je pense que ça retrouvait son enfance. Et puis il y avait une porche, il y avait les portes cochères. Okay. Puis il était amoureux de ça. Et puis on a acheté la maison. Mais c'était comme ça avant. Et puis... C'est une maison qui faisait penser à son enfant. Ça ressemblait à ce tableau-là. C'est vraiment une maison qui a dû cacher. C'est une maison qui date de 1865, 85 peut-être. Là, c'est vraiment, mettons, fin du 19e siècle. Okay. Parce que quand j'ai eu les papiers du notaire, quand on a acheté la maison, les papiers du notaire étaient faits à la main. Ça veut dire que c'était vieux. Et puis, on a acheté la maison. Et puis là, on s'est installé. Et puis... Et puis vous, d'où est-ce que vous veniez? Est-ce que vous habitiez à Saint-Roch aussi? Ou... Non, moi, je venais de Sainte-Brigitte-de-la-Val. Okay. Moi, tout le monde me disait où est-ce que c'est Sainte-Brigitte-de-la-Val. J'ai dit, tout le monde me demande où est-ce qu'a fini la terre. C'est là qu'a fini. Et puis... dans le bout de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, la dernière paroisse. Okay. Et puis, avant, son père avait la rue, une maison sur la rue des Forges du Berger. Louis l'avait acheté de son père, revenu, l'a vendu. On a déménagé un autre sur la 71e rue, qu'on a pris la maison d'une place, puis on l'a transporté sur la 71. Puis après, on l'a vendu. Parce qu'il est amoureux de cette maison-là. Alors, c'est là, on a vécu là, les enfants sont allés à l'école. Mais son père, lui, avait la tabagie de l'ouvrier. Mm-hmm. Donc, lui, sa mère habitait là, parce que mon grand-père, hein, Paul-Émile, lui, était à l'hôpital Laval, parce qu'il avait la tuberculose. Et elle, quand son père a eu la tuberculose, ton grand-père avait la maison de sa rue des Forges. OK. Quand il est sorti 15 ans après l'hôpital Laval, il a vendu la maison parce qu'il voulait se partir un commerce. Mais il était sur le bien-être social. Et puis, c'est grâce à lui, si on a aujourd'hui des réussites, comme le cancer du poumon et tout ça, il était le premier cobaye. Okay. Et puis, ils ont enlevé les côtes, deux moitiés de poumon. Et ton grand-père travaillait, il avait acheté la maison. Puis il y avait dit chez Bouvard Charest, 265 Bouvard Charest Ouest. Et puis il avait demandé au bien-être social, donnez-moi 6 mois de bien-être social, après ça arrête, temps de partir mon commerce. Et puis l'agent qui s'occupait de lui, il a dit oui. Et puis dans ce temps-là, il y avait des grosses, il appelait ça des claques, avec un gros feu et tout ça. Il y avait des drains pendant 2 ans ou des poumons pour faire sortir le liquide. Il travaillait à tabagie des 12 heures tout le temps. Ah oui. Il était ouvert. Dans sa chaise roulante, son même. Hein? Dans sa chaise roulante. Non, il n'y avait pas de chaise roulante. Non. Il restait au deuxième. Alors, quand il a parti son commerce et tout ça, et quand il est décédé, sa maison était payé et tout ça. Et puis, il vendait ce commerce-là, c'est un jour, tu y vas, il vendait 1 à 2 millions de chiffres d'affaires par année. Mmh. Juste on parle de la tabagie d'ouvrier. De la tabagie. Parce qu'il y avait des bons prix. Et mon beau-père disait, si tu veux faire une belle vie, ne sois pas endetté. Jamais. Fait que quand il commandait les 10 000 de cigarettes, il y avait les moyens de le payer. Cash. Il avait le cash, et puis il disait, jamais de marge de crédit, jamais de prêt personnel, puis carte de crédit, non, autant mais que possible. Mais lui, il n'a pas été élevé à Du Berger. Il a été élevé une partie à Du Berger, Et quand ton grand-père a loué la maison sa rue des Forges, parce qu'il y avait deux logements, quand il a acheté sa rue Saint-Sauveur, ben, sur le boulevard Charette, ton père, il est mieux resté au deuxième étage. Il avait à peu près 15-16 ans dans ce temps-là. Et, mais quand il était enfant, il n'était pas chez sa grand-mère qui était dedans? Jusqu'à 5 ans et demi. 5 ans et demi. OK. Parce que là, il y avait trois enfants. Et elle, puis, sa grand-mère, elle habitait sur? À côté de Jupiter. Anciennement, Jean Coutu. Oui, ça, c'était sur Saint-Vallier-Ouest. Ouest, en face de... proche du Pied Bleu, à ce point-là. C'est en face de la Caisse populaire de Saint-Sauveur. Oh. Et t'avais la caisse, t'avais Jupiter, et t'avais la maison de la grand-mère à côté. Il y avait, c'est la grand-mère. Puis quand ils ont eu le troisième enfant, ben là, sa mère lui a dit, ben là, là, t'es rendu à trois enfants. Là, et puis c'est là qu'elle avait acheté du berger. J'aimerais ça qu'on revienne en 81, dans le fond, on s'entend que c'était, les démolitions avaient déjà commencé, là, dans la, chaque côté là, où se trouve actuellement l'université, dans, ici en fait. Oui, c'est ça. Mais complètement... Les démolitions avaient commencé. Là, c'était fini, les démolitions. C'était fini. Oui, c'était fini. Puis il y avait juste une maison ici, sa rue Fleury. C'était, je pense, c'était deux vieilles filles. Ils n'ont jamais voulu vendre. Moi, c'est pas la place qu'il y avait des vieux moineaux. Oui, oui, des perroquets. Puis il y avait. Okay. Elle adorait ça. Et la ville, ils ont essayé par tous les moyens de l'exproprier. Elle l'a jamais voulu. Dans les archives, tu vois une maison toute seule entre la chapelle et de la couronne. T'as vu toute seule sa rue Fleury. Puis quand elle voyait, elle dit, oh, je suis en sécurité, M. Fortier, il reste pas loin. Mais quand on est arrivé, tout était démoli et il servait de stationnement pour le cinéma Odéon, parce qu'on avait le cinéma. C'est ça, c'était un terrain vague, puis les gens là, se stationnaient là. Puis ils se faisaient briser tout leur auto, hein, parce qu'ils se faisaient voler leur auto, puis tout ça. C'est la maison jaune qui est là. Voilà. C'est une petite. C'est la seule maison au Québec. Celle-là? Oui. C'est la rue Fleury. C'est la seule maison qu'il y avait sur la rue Fleury. C'est la maison. Elle n'a jamais voulu vendre. Jamais, jamais voulu vendre. Mais vous étiez audacieux à Montadie de vous installer là, comme ça, là, dans ce quartier-là. Là. Ben, c'est parce que Louis est habitué ben, dans Saint-Sauveur. C'est ça, lui, t'as endurci, là, il avait quoi de dur. Oui, parce que Fait que vous aussi, vous avez la coin dure, puis vous juste suivre Louis comme ça, là, vous deviez. Oui, parce que. Vous avez trouvé ça. Parce que Louis, il avait de grandes idées, mais lui, il ne s'occupait pas des. Soit des finances ou quelque chose, ça ne m'intéressait pas. Et puis, quand que, il disait, gardons un grand terrain vert, on est en train de mourir ici. En train de mourir. Et il avait rencontré Régent Lemoine. Puis Régent Lemoine, il disait, quand la ville ne veut pas s'occuper d'un quartier, ils ne viennent pas, ils ne s'en occupent pas, ils laissent aller, t'as pas intéressé. Je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça aussi. Non, puis tu montais l'escalier. Le mail était fait, là, à ce moment-là, en 81. Oh oui, et que le mail était fait. Ça date de quand, ça, le mail? Le mail, la date exacte, bonne question. Là, je check ça. J'étais jeune. Quand ils ont bâti Fleur de Lys, quelques années après, ils ont fait le mail. Ça coulait comme un panier là-dedans. Les gens se blessaient. À un moment donné, parce que ça coulait, puis les gens. C'était de la tuile, hein, comme de la céramique. Il y en a qui sont blessés là-dedans. Ah oui. Fait que, puis là, on regardait la cour de Marne. Et là, Louis, il a dit, sais-tu, on fait penser à Beyrouth. Mais justement, pourquoi c'est une maison-là? Pourquoi donner une chance comme ça c'était vraiment pas lié, de la façon que vous le décrivez, c'est clair qu'on sent que c'était pas un lieu, comment je pourrais dire? Familial. Alors lui, quand il a vu la maison, là, il trouvait que le quartier avait une âme. Il dit, je suis bien. Parce que la maison où on restait, il y avait 21 fenêtres. parce que ça a l'air de rien sur la rue Saint-Vallier à deux étages, mais en arrière dans le cours, il y a quatre étages. Les fameuses cours, les cours arrière là, qu'on voit jamais. Puis il y avait une écurie, lui, il a vu l'atelier. Il a vu l'atelier pour faire ses peintures puis, et tout ça. Ouais, fait que, il aimait le quartier aussi. Ah, il adorait le quartier parce qu'il disait, on a un patrimoine extraordinaire, puis on est en train de mourir. On est comme... Mm-hmm. Puis quand il se passait quelque chose dans le quartier, on appelait la police venait même pas. Elle venait pas la police. Mais c'est vraiment la maison qui vous a convaincu de vous installer? Oui, c'est la maison, il adorait sa maison-là. Puis les portes cochères, il disait elle a un âme. Puis là, il y avait les écuries, puis t'avais une passerelle, là, à même la maison. Ah, lui est tombé en amour, puis... Puis là, il disait, bon, c'est fantastique, quand il va faire une tempête, je rentrais l'auto dans le garage, je fermais les portes cochères, puis ah, il était heureux. Il était heureux parce que pour lui, c'était le quartier Saint-Roch. Et puis, vous n'auriez pas peur qu'il détruise cet îlot-là d'habitation? Parce qu'on s'entend que c'est tout ce qui restait là, entre le Dufresne et Montmorency, puis. Il y avait un projet d'autoroute sur parallèle à Charest, où il y avait des projets, toutes sortes de projets là, dans ces années-là. Ouais, vous n'aviez pas peur, justement, de demander que vous ramassez avec un avis d'éviction, quelque chose comme ça? Non, parce que c'était fini la démolition. Parce que là, Méduse, en face de 608, c'était la cour d'Abraham, Méduse, ça c'était le quartier, il appelait ça le patrimoine. Ça veut dire que monsieur qui achetait la maison là, sur comme ça, en face de chez nous, il ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Ça prenait une toiture de terre, les fenêtres, puis tout ça. Ça coûtait une fortune. Une fortune pour... Mais nous autres, vu qu'on était de l'autre côté de la rue, non, on ne faisait pas partie du patrimoine de la cour d'Abraham. Ah, c'était protégé. Ben oui, c'est vrai, c'était protégé. Ça, c'était ça. Protégé, je pense ça. Que ça l'a encore. Ouais. C'est pour ça que t'as pas. Tu sais, les immeubles qui sont sur Saint-Vallier-Est vers la Côte d'Abraham, là, tu peux pas arracher les fenêtres et mettre du PVC. Là. Ah, non, puis c'est bien. Il y en a qui ont. Ça leur a coûté une fortune, comme la maison chinoise, là. Ben oui. Elle était longtemps vacante, elle. Parce que les Chinois allaient jouer au tarot. Hein? Vous savez, ils sont amateurs de tarot. Hein? Ils jouaient la nuit, là. Parce que l'été, là, on les entendait là, jouer au tarot. Ah oui, même dans les 80, oui. Ah oui, ils jouaient au tarot. C'était une maison pour... Tu voyais tous les Chinois. Ils sont encore vivants, c'est encore culturellement vivant. Là. Ah, puis après, ben, elle était abandonnée quasiment pendant 15 ans. Ça, c'est-tu quand le... Le fils de Madame est disparu? Non. C'est que Madame Ousse, tu sais, le rock'n'roll, ouais, Napoléon, c'est Napoléon, ouais. Frère. Il s'appelle Benoît. C'est Benoît? Oui, il s'appelait Benoît. Ouais. Et puis, quand Madame Ousse est décédée, les autres, ils pensaient que c'était la grand-mère qui était décédée. Non, c'était sa fille, qui avait 60 ans. Mais cette madame-là travaillait tellement avec le restaurant et tout ça qu'elle a fait une crise cardiaque. Elle était fatale. Puis quand ils ont dit, ben c'est Madame Wu qui est morte, mes autres ils ont pensé que c'était la grand-mère. Mais non, la grand-mère a vécu au-dessus de 90 ans, mais c'est Madame Wu. Donc, ça l'a tombé en succession. Mais ils ne pouvaient pas la succession. Ils n'ont jamais trouvé le frère de Napoléon, Benoît. Puis, selon le gouvernement, dans les charges archives, une personne disparue, c'est juste au bout de 7 ans que tu peux faire quelque chose avec, là, okay. Qui peut le déclarer mort, là, et tout ça. Oh, c'était longtemps. Ça fait pas longtemps qu'elle a rénové le... Là, ça leur empêche. Est-ce que ça les empêchait peut-être de vendre le centre chinois? Oui, ça les empêchait, puis aussi, il manquait peut-être un peu d'argent aussi. On ne sait pas trop, c'est sûr que c'est pas, on essaye de... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut pas aller demander ça. Ouais. Mais lui, Benoît, Napoléon cherchait son frère, puis il cherchait son frère, mais ils l'ont jamais trouvé, son frère. Oui. Donc, tout a été bloqué. Puis là, tantôt, vous avez parlé spontanément de Régent Lemoine. Oui. Régent Lemoine, c'est à partir de quel moment là, qu'il rentre en contact avec vous, là, avec la famille là? Et c'est quand on a fait l'îlot fleuri, parce que lui, il est venu dans le quartier, on ne le connaissait pas. Dans les années 80, avant 91, vous ne connaissiez pas Régent Lemoine tellement. Non, on ne le connaissait pas du tout. Okay. Puis même, il y a une photo sur le Journal du Québec qu'ils viennent, les gens travaillent la terre et ils étaient avec Armand Paré. Et Régent Lemoine et Armand Paré, ils ont tous des gants blancs. Tu sais, ils sont posés comme pour travailler la terre, mais les gants blancs, c'était juste en réalité pour la photo. Là. Ton père avait trouvé ça tellement drôle. Il dit comme ça. Les autres avaient toutes les mains noires, puis tout ça, puis les autres, ils avaient gardé. Et je l'ai gardé, cette photo-là. Et puis là, il avait dit à Louis, il dit, quand la ville ne veut pas s'occuper d'un quartier, il laisse aller. Là, à ce moment-là, Régent Lemoine, il est conseiller municipal. Il est conseiller, il a été élu, moi. Mais justement, avant la revue de 89, restons dans les années 80, vous avez dit, c'est ça, les démolitions sont finies. Là. Dans le fond, c'est un grand terrain vague. Mais en même temps, il y a des projets, tu sais, notamment, on parlait c'était la Grande Place. Oui, la Grande Place, oui. Comment vous avez vu ça? Parce que c'était un gros complexe. L'idée, c'était de faire un centre d'achat en plein centre-ville, avec des hôtels, avec peut-être même un projet de tramway ou de train ou de métro ou de je sais pas quoi. Oui. Puis, donc, c'était un gros projet là, qui devait comme combler le trou, le terrain vague. Là. Puis, vous autres, comment vous viviez ça? Là? Bien, là, ils ont fait comme des réunions là, pour les citoyens. Là, ton père est parti en cavale. On n'aura pas ça ici. Okay. Ça ne nous représente pas. Et c'est avec Laurent Gagnon, avec Raymond Malenfant. Et ça, on ne veut pas de ça. Ça Raymond Malenfant. Oui, Raymond Malenfant du Manoir Richelieu. Ah, ouais. Oui. Okay. Et puis, là, il arrive là, avec une maquette. Je l'ai gardée, la maquette. Hein? Tu vas la voir dans les archives là, du Journal du Québec. Est en première page. J'ai vu des maquettes. C'est incroyable. Et puis, mais là, ça coûtait une fortune. Ah oui. Fait que lui, c'est vous autres, vous êtes positionnés contre ce projet-là. Ah oui, on a tout pris. C'est quand est-ce qu'ils en ont parlé de ce projet-là, de la Grande Place? Pas quand vous êtes arrivé en 81. Non, c'était un peu plus tard. Parce que, c'était un projet de quasiment de 50 millions. Non, oh, mais ça a changé. Les prix ont fluctué au fil du temps. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un centre d'achat, mais financé, construit par le public. C'est ça, hein? Ça n'a aucun rapport. Puis avec des bureaux, des commerces, puis elle peut-être avoir des logements, et puis c'était gigantesque. Donc, ça ne fait pas pour ici. En tout cas, là, on était partis à l'hôtel de ville, remonte tous les propriétaires, Robert et tout ça. Bon. Robert Fleury qui était... Journaliste. Mais ça, vous connaissiez avant Lilo. Robert Fleury, on ne connaissait pas. On l'a connu à Lilo Fleury. OK, fait que ça, mais pauvre, quand vous êtes opposé à la Grande Place, Robert Fleury n'était pas là. Je ne sais pas s'il avait acheté la maison sur la rue du Roi, lui. Mais il devait être là, il était journaliste pour Le Soleil. Puis c'est dans ces rencontres-là. Et puis, une petite anecdote, parce que Robert Fleury et les journalistes, c'est Tom en grève. Ah oui, et puis, il y avait une grosse grève du soleil. Là, Louis disait, on restait seul ici. Il disait, là, Denise, n'oublie pas de préparer du café. Là, je prenais une boîte de carton. Et puis là, je préparais des cafetières de café très, très chaudes. Là, avec des tasses, puis avec des biscuits, puis tout ça. Mais il faisait froid. Et à tous les soirs que Robert faisait du pitant, qu'est-ce que tu voyais arriver, ton père? Il disait, mon Dieu, puis là, il y avait les gens, Monsieur Fortier avec du café, et tout ça. Mais il faisait tellement froid. Tout le temps de la grève qu'il y a eu, je faisais toujours le café vers 9 h le soir. Puis il allait leur porter ça. Ça leur faisait du bien, là, écoute. Et tout ça. C'est comme ça. Puis là, Robert est venu travailler à l'île aux Fleurs. Puis là, il disait, il était chanceux, Louis, parce que il y avait Robert Fleury du journal Le Soleil, et puis il y avait un monsieur du journal de Québec qui était journaliste. Lui ici, il disait, appelez-moi, ça ne marche pas. OK. Mais est-ce qu'il habitait aussi le quartier, lui, ou... Non, il habitait pas le quartier, ce monsieur. Je ne me souviens pas de son nom. Et puis vous, c'est fait des amis avec les quelques journalistes, là. Oui, oui. Puis, à cette époque-là. Oui, à cette époque-là. Ça, c'était en quelle année, ça, cette grève-là? Oh là, je me souviens pas. Ça va dans les années 90, non? Ben, mais Lilo, il avait commencé Lilo. Ah, ok, c'est ça. Ah, c'est une grosse grève. Alors, ça, je me rappelle de ça. Lilo, c'était dans les années 90. Ah oui, pas dans les années 80. Ben, non, les années, ben, à peu près dans ça. Et puis, parce que c'était, Louis disait, on peut faire de belles choses. Et puis, sur la. Quand on parle ici de la rue. Les escaliers, il y avait des maisons qui étaient toutes vacantes. C'était tout épouvantable. Et puis, aller jusqu'au bout de la. Ça, c'est les fameuses maisons patrimoniales. Oui, c'est ça. Puis, la salle de Paris, la maison Walker, tout ça. C'est ça qu'on appelait, là, Plywood City, là, c'était-tu? Oui. Oui. Ça, est-ce que c'était un sobriquet que vous utilisiez vous-même? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'était juste les journalistes qui ont mis ce nom-là. Est-ce que c'était. C'était un nom qui était utilisé là, pour qualifier là, le secteur. Ouais, je ne sais pas trop, mais c'était ben, en prévision. Un peu, parce que tu sais, l'événement Plywood Stock. Mm-hmm. Oui, c'est dans cette époque-là. Et puis. Mais c'est sûr que c'était péjoratif. Ouais. Moi, je me souviens, là, la famille, mettons, élargie. Quand nous autres, on était ceux qui habitaient à Saint-Roch. On était comme stigmatisés. Toi, tu feras rien dans la vie, tu viens, tu habites à Saint-Roch. Mm-hmm. C'était comme, tu peux pas réussir, tu es vraiment dans une place là, horrible. Fait que je pense que les gens en banlieue comprenaient pas trop qu'est-ce qu'on faisait là. Ah, c'est pis... clair. Et puis, sur la rue Saint-Vallier, il y avait une maison en briques rouges. Et Louis dit, il y a tellement de trafic. Descendait à Côte-d'Armand, tournait sur la rue Saint-Vallier pour prendre la bretelle, ben oui, son allait ben du oui. Frein. Et le mur de briques faisait ça. Alors, Louis, j'ai dit, oui, c'est dangereux. Fait que là, Louis, il a appelé les gens de la ville, ils ont dit, c'est le mur était en mauvais état, puis ça menaçait de s'affaisser. Oui, absolument. Ça fait que, on va envoyer quelqu'un. Fait que là, le monsieur de la ville, il vient, il dit, regardez, ça fait ça. Puis il dit, regardez votre maison, que c'est épouvantable. Oh, il n'y a pas de danger. Fait qu'ils font inspecter, même pas dans une semaine, la pelle mécanique est arrangée. Ils ont donné deux coups de pelle mécanique et ça s'est tout effoiré. Et puis là, c'est là. Ils ont dit, on va faire méduses, on va faire. Oh, mais ça, c'est le fameux maison à cadeau. Ouais, ça, quand tu as fait. Moi, je veux qu'on reste dans les années 80. Oui. Parce que les années 80, c'est intéressant parce que justement, tu as le parti. De Pelletier, le parti de Pelletier, qui avait dans ses plans la fameuse Grande Place. Ça a été un enjeu déterminant dans la campagne, ça, de 89, parce que la va gagner. Moi, j'aimerais ça comprendre, justement, le build-up, tout ce qui précède les lots, essayer de comprendre. Est-ce que vous aviez, par exemple, aussi des liens avec les. Justement, les gens du Rassemblement populaire, là, à l'époque, c'était pas la vie. C'était à Petit. Il y avait la Grande Place, c'est dans le temps de Petit. Oui, c'est dans le temps de Petit, mais c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, des élections en 89. Fait oui. Que tu avais pensé à le Rassemblement populaire, il avait lancé une espèce de manifeste pour fonder le parti. Oui, oui. C'était des gens actifs dans les quartiers populaires. Des quartiers, des gens aussi qui étaient actifs dans les groupes communautaires, des choses comme ça. Peut-être qu'ils avaient... Vous aviez des relations avec eux, je ne sais pas, tu sais. Est-ce que c'était ce que vous aviez entendu parler du RP? Est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait? Quand que le Rassemblement populaire est rentré au pouvoir avec le maire Lallier, eh bien, Louis avait espoir pour pour l'îlot fleuri et tout ça. Mais il y a eu beaucoup de résistance au commencement. Parce que le maire de l'Allier ne voulait pas l'entendre parler. Puis Louis, il l'avait rencontré, puis il avait dit, il dit, vous ne devez pas venir dans Saint-Roch. Et il dit, vous devez venir jamais dans Saint-Roch. Il dit. Fait que ça l'avait piqué au vif un peu. Il dit, oui, je vais dans Saint-Roch et je m'en vais au métro Gagnon. Fait que Louis, il avait dit, vous ne viendrez pas dans Saint-Roch, et puis, mais là, il y avait des pressions, là, de médias, puis tout ça, là, parce on que... On parle de 91. Oui, avant, c'est ça. Soit élu, mais nous autres, t'avais-tu des liens avec des gens? Il n'y a aucun lien avec... Avant l'autre, vous n'aviez pas de lien avec le municipal? Ah, absolument. Absolument pas. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, si on parle de Régent Lemoine, tu sais, pendant les élections, c'est quelques mois avant les élections, il y avait eu un plan, une maquette qui avait été faite, oui. Qui s'appelait, je ne sais plus exactement le nom, puis c'était comme une maquette que Régent Lemoine et Marc Boutin avaient proposé pour faire venir les habitants, pour remplir le trou, plutôt que la grande place. Écoutez, on va mettre des habitations, des maisons, avec oui. Un parc au centre. Il avait fait une esquisse, là, tout avec des petites boîtes en carton, là, j'ai des photos de ça, là, c'est vraiment bien fait. Puis le RP, le Rassemblement Populaire, avait comme adopté ce plan-là, puis elle avait fait l'espace Saint-Roch. Là, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous n'étiez pas impliqué là-dedans, vous n'étiez pas... Non, parce que quand on a commencé à s'impliquer, quand il avait fait la maquette de la Grande Plaire, et tout ça, là, il y a eu un bout de mort, là. Là, on n'entendait plus parler. Il n'y avait pas le financement. C'est ça, ça va. Puis les citoyens, ils n'en voulaient pas. Et puis tout ça, fait que ça l'a. Puis après... R10, tu sais, quand tu regardes R10, parce que les gens qui étaient dans R10 en 68, probablement qui habitaient encore. Peut-être que c'est représentatif, peut-être que ces gens-là habitaient encore le quartier. Mm-hmm. Puis eux autres, ils voulaient réclamer ça, tu sais, des logements populaires. Ils voulaient, je pense, la grande place, ils n'en voulaient pas. C'est ça. Non, parce c'est que très contesté. Il voulait ce qu'il voulait, on voulait des gens comme aujourd'hui, que les gens achètent les maisons, qui vivent dedans, d'avoir des familles et ces choses-là. Et puis suite à l'élection de 89, dans le fond, moi ce que je comprends, c'est que le Rassemblement Populaire, il avait été mis au pouvoir notamment pour contrer la Grande Place, pour écouter, c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut. Puis donc, il y avait comme un espoir de faire quelque chose avec Saint-Roch, quelque chose de plus à visage humain, tu sais. Puis, quelques mois après leur élection, ils ont proposé un autre projet de boulevard qui avait été très contesté. Oui. Tu sais, puis, moi, ce que je me demande, c'est à quel point est-ce que l'îlot Fleury n'est pas né de... Parce que là, ils ont été élus en 89, l'îlot Fleury, c'est en 91. Ouais. Donc, il y a une période, là, tu sais, dans laquelle les gens étaient peut-être tannés. Ils ont peut-être été déçus de Rassemblement Populaire, tu sais. Ils s'attendaient à des grandes choses, puis finalement, ils n'ont peut-être pas eu ce qu'ils attendaient. Parce que avant qu'il y avait le beau dans ce temps-là, quand que le Rassemblement Populaire est rentré, vous savez, les Viteries, le beau, il y avait des commerces au coin de la Couronne, puis tout ça. Mm-hmm. Il y avait des commerces, là. Et puis ça, c'était pas démoli. Et puis, le beau, lui, il voulait pas s'en aller. Tout ce qui était les commerces, il voulait pas s'en aller. Là, le Rassemblement Populaire, là, ils ont acheté et ils ont fait démolir. Entre cette période-là, ils ont fait de la démolition on encore. Ils ont continué la démolition. Oui. Et puis, même, il y a un monsieur, quand il a défait la démolition, il y a eu une mort d'homme. Ah oui? Oui. Pas dans la démolition. Oui, devant. Parce que lui, il dit, il travaillait sa construction, lui. Puis il a vu, il dit, avant même que ça finisse, il va y avoir quelqu'un qui va mourir, de la manière qu'il travaillait. Il a prévu ça. Oui, et puis c'était, je me souviens, c'était un samedi. Et puis la démolition, puis le monsieur, il est mort, lui. Il est mort dans les décombres, là. Parce que je ne sais pas comment il a fait la démolition. Mais je sais que quand que, ils ont présenté la maquette, il n'y avait pas le beau. Il fallait que le beau s'en aille de là. Mmh, mmh. Parce que le beau était sur l'avenue du Parvis, puis il descendait la couronne. Parce qu'il y avait des commerces, si vous regardez dans les archives. Mais les autres, ils étaient encore là. Ils étaient encore là, les autres. Puis ils ne voulaient pas vendre. C'était quoi l'effet que ça nous faisait, justement, de voir que la salaire populaire, dans le fond, continuait à démolir, dans le fond, continuait là. Ben là, on me disait, ben, ça va-tu finir? C'est quoi qu'il va y avoir? C'est quoi qu'il... Puis là, du temps qu'il remonte tout ça, puis entre-temps, le maire Lallier, lui, l'été, il avait été en Europe. Et puis, il avait vu des belles choses, les parcs et tout ça. Et puis, lui, il est revenu d'Europe avec l'idée qu'il pourrait avoir un parc. Et c'est là qu'est venue l'idée pour lui, le parc de 6 millions. Il l'appelait dans ce temps-là le parc de 6 millions parce que ça coûtait 6 millions pour le construire. Et puis, il avait demandé, puis Lilo, ben, ça commençait en 91. Et puis, le parc n'était pas là, là. Le parc n'avait pas commencé. C'était tout vacant. Là, il s'était, excusez l'expression, il avait réussi d'exploiter le beau, le vite. Exproprié, tu veux dire? Hein? Tu l'as exproprié? Ils l'ont exproprié. Oh. Et tous les commerces, parce qu'eux autres, ils faisaient des affaires, ces gens-là, là. Ils ne voulaient pas s'en aller de là. Mais là, la ville voulait qu'ils s'en aillent. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Tu vois, ici, là, j'ai un article de 89. Okay? C'est marqué « Même si la ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, plusieurs secteurs de Québec ont l'air sinistrés. » Puis là, tu vois, quel que soit le projet qui sera retenu pour la revitalisation de la Grande Place, la côte d'Abraham est mûre pour un lifting. Puis là, là-dedans, il y a écrit « Placardé, fissuré, abandonné, cette maison de la côte d'Abraham menace les usagers de l'escalier menant à la rue Saint-Vallier. » Là, on est en 89. Okay. Puis ça, c'est exactement la maison en cadeau que Louis a faite. Ah oui, c'est ça. En 91. Fait que ça, c'est 2 ans plus tard. Mm-hmm. Fait que là, en 89, peut-être, comme tu dis, il y a des espoirs que Rassemblement populaire fasse des choses. Puis finalement, on dirait que Rassemblement populaire est paralysé avec ça ici, ils ne savent pas quoi faire. Puis là, à un moment donné, ça s'envenime, parce que là, les choses dépérissent, là, les gens ont des grandes attentes, il ne se passe rien. Puis là, à un moment donné, cette maison-là, bien, elle devient de plus en plus dangereuse à chaque année. Et là, Louis décide d'agir, tu sais, fait que là, ça, c'est... Puis là, à un moment donné, tout part, là, on dirait que là, lui, c'est lâche et lousse. Puis là, il commence à utiliser les médias, il se fait des amis. Mm-hmm. Puis là, il commence à faire bouger les choses. Parce qu'en arrière de la gare centrale, là, vous savez le stationnement là, qu'il y a, là, il y avait des maisons avant. Là. Ils ont tout démoli ça pour où était le voyageur anciennement. Et puis, ils ont tout démoli là, entre la rue Caron et Dorchester, Saint-Vallier et Fleury. Ils ont tout démoli pour faire un stationnement pour le voyageur et tout ça. C'est quoi l'effet déclencheur? Parce que, dans le fond, ça faisait 10 ans que vous viviez là, que ce genre de choses-là se produisaient, tu sais, qu'il y avait encore des démolitions, c'était encore sinistre, c'était encore abandonné, c'était encore négligé comme lieu. Qu'est-ce qui a fait qu'en 91, on nous dit c'est assez, là, on faut faire de quoi? Et comme, parce que Louis disait, comment ça se fait, nous autres, les résidents, il y a un très grand parc, on n'avait pas le droit. On n'avait même pas le droit d'avoir une table de pique-nique. Il n'a même pas ramassé les déchets. Le foin était au même. Et puis, dans la semaine qui était déclencheur, on a entendu des coups de fusil. Il était 4 heures du matin, 4 heures, 4 heures et demie. Ça se tirait au fusil. Il y avait des matelots, il y avait Il y avait du gros foin aussi, il y avait comme des hautes herbes. Hein? Ça, je me souviens qu'il y avait des hautes herbes. Hein? Oui, il y avait pas tout ce qui se passait là-dedans. Puis là, il y avait des gens qui couchaient là, puis tout ça. Puis là, ça se tire au fusil. Oui, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as toute la côte d'Abraham qui est complètement. Et ça, dans les années 80, c'était jamais arrivé, dans le fond, qu'il se soit à ce point-là. Ça se détériorait tout le temps, tout le temps. Puis là, quand ça s'est mis à se tirer au fusil, là, lui, il dit, ça n'a pas de bon sens. Et ils ont été en train de mourir. On est vraiment en train de mourir. Là. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui. Et puis là, les gens qui venaient au cinéma disaient, on se fait tout briser nos autos. On se fait tout casser. On se fait tout. Ça, c'était qui justement qui tirait du fusil, qui brisait les autos? C'est comment qu'on pourrait dire ça? Ben, il y avait beaucoup de prostitution. Parce que la prostitution dans Saint-Roch, il y en avait beaucoup. Tu avais les proxénètes, Et ça, tu c'est avais les Hells Angels. Parce que dans ce temps-là, les cabarets, ça explosait, là. On avait le Coronet qui était au coin de la Couronne et Bouvard-Charest. Il y a eu une bombe. Donc, et puis là, le maire Lallier, il avait dit à Louis, ça saute dans Saint-Roch. Ça, c'est la guerre des motards. La guerre des motards, justement. C'est quelle année, ça? Ça, c'est plus mi-90. OK. Ouais. Mais tu sais, si on revient à 89, tu sais, ici, là, dans l'article, ça dit par quoi le maire Lallier remplacera-t-il le projet de la Grande Place? L'espace Saint-Roch n'étant encore qu'un projet préliminaire, on est en 89. C'est le même article. Et surtout, combien de temps encore les touristes et les résidents du centre-ville auront-ils devant les yeux le spectacle navrant d'un quartier en plein pourrissement social et économique? Quelques années ou quelques dizaines d'années. La question vaut pour tous les chantiers en retard du centre-ville de Québec. Fait que là, eux autres, là, ils ont comme eu de l'opposition. Moi, j'ai l'impression que le maire Pelletier a eu de l'opposition. Donc, mes parents ont pris part. Je pense qu'ils n'avaient pas trop de connexion là, avec le municipal à ce moment-là. Puis là, ça sent ça, il y a un laisser-aller parce que le projet s'étire de la Grande Place. Rassemblement populaire arrive. Là, la situation est comme, mettons, critique. Puis finalement, ça brette encore jusqu'en 91. Puis là, les gens décident de prendre les grands moyens puis d'agir. On dirait en grand. C'est ça. Fait que là, ça devient une poudrière. Le laisser-aller fait qu'à un moment donné, ça marche plus, puis là, ils prennent des actions plus militantes. Absolument. Puis là, ça a commencé la guerre des motards. La guerre des motards, puis il y avait beaucoup de drogue. Et puis là, à un moment donné, on se promenait dans Saint-Roch, et puis la prostitution était l'autre côté de la rue Saint-Joseph. Il y en avait sur la rue Saint-Joseph. Et puis là, tu voyais les autos partir de l'Angelier, qui descendaient jusqu'à Prince-Édouard, l'autre bout, à peu près que la justice y remontait. C'est encore ça aujourd'hui, je pense. Peut-être. Et puis là, le maire Lallier, il n'aimait pas trop ça. Il disait, oui, ça explose, ça explose. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Et tout ça. Et là, qu'est-ce qui a amené? Si vous en allez sur la rue de la Couronne, il y a un bar gay, Oui, encore aujourd'hui, Prince oui. Ramway. Lui, il a sauté, puis pas à peu près, parce que les condos sur la rue Prince-Édouard, les vitres ont éclaté. Vraiment, là, puis il était 7 heures du matin. Donc, c'était l'été, et les enfants étaient couchés, et tout ça. Et il y avait Hélène de Rouen qui restait là, et ses vitres ont volé en éclats. Fait que là, c'était la panique. Mais ça se peut-tu que le Saint-Roch des débuts des années 90, c'était un peu plus. Moi, j'ai vu des articles, là, je me souviens des années 80, puis c'était. Je sais pas si ça devait être encore comme ça au début des années 90, c'était beaucoup plus red light, là, t'sais, il y avait beaucoup plus de salles, des cinémas érotiques, t'avais des beaucoup plus de bars, t'avais des lieux plus de. Tu sais, justement, pour comment on appelle ça, le red light, c'est ça, les lieux, là, Pas du monde interlope, mais Pour les adultes, là, tu sais, ouais, Ouais. c'est ça, pour le milieu interlope, c'était plus. Absolument, ça brossait, non, c'est vrai. Ça brossait. vous aviez la Banque de Nouvelle-Écosse. Là, à un moment donné, elle a fermé. Fait que là, ça fermait, là. Puis il y avait, si vous vous souvenez, il y avait l'Italia, la piste de danse, l'Italia, ça, puis avec le restaurant, ça l'a fermé. Vous aviez le. C'était marqué une salle de danse, je ne sais pas, c'était 67 en tout cas. Lui, il a fermé aussi. Alors, tout le côté, l'autre côté, ça fermait. Et là, puis là, l'autre bord de la rue, c'était le Coronet. Et quand que, où la Banque Nouvelle-Écosse, tu tournais à gauche, il y avait un bar, puis il y avait des machines de billard. Il y avait ça, c'était toutes les Hells Angels qui avaient ça. Là. Il y avait ça, il y avait. Puis là, ça sautait, puis c'était à la gaine, les motards. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez remarqué, dans la rue Saint-Joseph, il y a resté le bar, le Dauphin. Et le tonneau qu'ils ont mis en brasserie, là. Le parce tonneau qui a rendu le vélo. Ouais, ça fait que là, il y a une maladie, bon, il était un petit peu. En réalité, il ne connaissait pas Louis, mais ils ont appris à se connaître. Puis là, il a dit à Louis, mon Dieu, c'est que je vais faire parce que ça saute de partout. Louis, il dit, c'est pas compliqué. Quand un bar saute, vous ne donnez pas de permis de la ville. C'est ça. Donc, vous avez la fait exploser. La ville avait le pouvoir de ne pas mettre de permis. Les permis. Ben, tu savais, sais-tu, Louis, ça a bien du bon sens. Il avait dit de mettre du beau aussi. Puis c'est parce qu'à un moment donné, tu vois, l'allié, il dit, tout le monde m'a traité de fou de mettre un parc. À un moment donné, il dit, pensez-vous que les nappes se seraient installées devant? Hey, dit? Les lots, c'est ça. Ah oui. C'est mettre du beau, puis tu vas attirer du beau. Mm-hmm. Parce qu'il avait demandé. C'est ça. Fait que il avait plus raison de mettre des urbanistes de l'air. Ben oui, fait qu'il disait à un allié, ose mettre du beau dans Saint-Roch, ça va payer, tu vas voir, ça va payer, mets du beau. C'est ça que Louis il avait dit. Il dit, je suis allé en Europe, puis j'ai vu ça. Ben Louis, il dit, si vous faites un beau pas, tout va se relier autour. Tout va se relier. Et c'est ça que ça a fait. Le Lafayette, il a été rénové. C'est beau aujourd'hui. L'ENA. L'ENA. Ouais, c'est ça, à ce temps, tu as le Ubisoft, puis tu as l'affaire de jeu. Là, c'est pas Frima. Binox. Non, Frima, il est dans l'ancien soleil. Mais tu as Ubisoft, il occupe tout. Puis en bas, tu as. Et on a le petit bar de jeu là. Oui, la revanche. C'est-tu le fun d'aller là? Ben oui. Fait que tu sais. C'est vrai, hein? Puis tu sais, quand on parlait d'actes militants, là, c'était pour les bonnes raisons. À un moment donné, quand ils disent. Les journalistes, à un moment donné, ils interrogent Louis, puis ils disent. Le parc est là, les nappes arrivent. Ben oui, tu sais, on est content. Ça va. Tu sais, c'était ça le but. Tu sais, le but, c'était pas de. Non, revendiquer pour être contre le système, c'était revendiquer pour être pour les gens puis s'en aller quand l'œuvre utile était faite. T'sais. Je pense que c'est par nécessité que l'îlot, ça vient d'où? C'est de la survie d'un quartier, c'est de la survie. Puis, quand moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais, c'est sûr. La rue du Parvis, il y a des condos. Hein? À la minute que le parc était fini, les condos, ça n'a pas pris le temps que les condos sont faits. Mmh. Là, ça les nappes, quand les nappes sont arrivées, là, tu as eu un. Tout là, ils ont créé le centre, tu sais, les crédits d'impôt pour les compagnies en haute technologie. Oui, fait que là, tu as attiré. Bernard Landry, qui vient de décéder. C'est ça, Bernard Landry qui a eu la vision. Là, tu as eu des gens qui étaient à Le Bourgneuf, New Run, pour qui je travaille encore aujourd'hui, ils étaient à Le Bourgneuf, eux autres, qui ont déménagé dans Saint-Roch. Oui. Donc là, pour la première fois, tu as comme un. Des gens qui étaient en exode, qui reviennent. T'sais, fait que là, tout ça, ce parc-là, de 6 millions, les nappes, tout ça, ça vient de donner un momentum. Là peut-être le provincial s'y intéresse. Ils disent, hey, on va pouvoir, c'est notre capitale nationale. On dirait, tu sais, à un moment donné, Régent Lemoine, il a dit récemment, Louis a commencé une job que personne ne voulait commencer, personne ne savait comment faire. Ça a été le point de départ pour faire la grosse balle de neige. Là. Oui. Il a comme roulé un. TQS qui est venu s'installer. Ben oui. Et puis, vous avez le centre des métiers d'art, anciennement, ou la Banque Nouvelle-Écosse, là, okay. Au coin de... Le métier d'art, c'était quoi leur rôle là-dedans? Le métier d'art, parce que il y avait beaucoup d'artistes dans Saint-Roch. OK. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes. Puis là, tu venais à Lilo. Puis ils venaient à Lilo. Puis là, avec la ville, puis tout ça, ils ont dit, on devrait faire un centre de métiers d'art. Puis, ils donnent des cours là-dedans, anciennement, la Banque Nouvelle-Écosse. Là, tu as eu l'INRS qui s'est installé. Là, tu commences à voir des fonctionnaires qui viennent manger le midi. Fait que là, les restaurants rouvrent parce que le midi, c'est intéressant. Fait que là, ça ramène des gens qui travaillent dans le quartier puis qui vont vivre là le soir parce qu'ils travaillent au restaurant, eux autres. Fait que là, ils viennent s'installer. Fait que là, tu sais, tranquillement, quand on parle de revitalisation, c'est ça. Puis quand ils ont fait Méduse, quand ils ont fait Méduse et que Marie Rioux est partie l'Abraham Martin, elle, c'était dur de partir de l'Abraham Martin. Là. Le café. Le café, là. Louis, on l'encourageait. Elle dit, mon Dieu, j'ai pas eu de monde à soir. On y aidait à fermer le restaurant parce qu'elle était seule. Puis Louis disait, c'est pas tellement sécure et tout ça. Presque à tous les soirs, on y aidait à aller fermer son restaurant. Et puis elle a passé à travers avec les concours d'art qui faisaient Playwood et tout ça. Puis la Symphonia qui venait faire des spectacles et tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes. Là, les artistes sont mis à mettre des œuvres d'art et tout ça. Et puis là, Louis disait au maire Lallier, ce serait plaisant que les artistes peuvent pouvoir être capables d'acheter leur studio. Et puis, ça a vraiment du bon sens. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont acheté des ateliers, Il y a eu une sorte de l'aide de la ville. Là, t'avais tous les artistes. Alors là, il arrivait à Lilo, là, il faisait une œuvre d'art, il mettait ça, le jardin communautaire, il y avait de la vie. Puis les gens qui venaient à Lilo, puis ils disaient, ben nous autres, ben là, c'est ce carré-là, ça, c'est nous autres qui restaient là. Ça, c'est, on a vécu là. Ah, il y a des gens qui avaient été expropriés, qui venaient à Lilo? Oui, ils revenaient à Lilo. Ils pleuraient, hein, les gens, tu disais. Hein? Les gens, ils pleuraient. Ah, il y a eu du monde qui pleurait chaud là. Il disait, on ne voulait pas s'en aller. Mon père en est mort tellement qu'il a eu de la peine parce que c'était sa maison. Ben oui. Il revenait et il disait, Monsieur Fortier, là, il y en a là, qui ont venu planter des fleurs, puis c'était leur maison. Ils plantaient des fleurs où ils avaient vécu. C'est là que tu vois que c'est plus profond. Que juste des. C'est pas des gens au hasard qui sont sortis au hasard un dimanche venir planter des fleurs. Mm-hmm. Quand on parle d'une poudrière puis d'un quartier qui reprenait sa dignité, c'est ça. Mm-hmm. C'est des gens qui. Douleurs comme ça qui. C'est ça, tu sais. Puis tu sais, c'était quoi déjà le. Indocile Fantasy. Tu sais, à un moment donné, Louis, il dit. Le déménagement, c'est rien, c'est la ville qui fait ça, tu sais. Les grosses affaires importantes, ça vient de la base. Fait que, tu sais, c'est un peu ça l'esprit du lieu. Tu sais. Fait que si la ville avait. C'est un peu l'allié ce qu'il avait dit. Il dit l'allié, si on avait nous autres planté juste quelques fleurs, on aurait dit que la ville avait rien fait. Dans ce cas-là, c'est des gens qui venaient avec un gros bagage là, émotif. Ah oui. Et se guérir. Tu sais. Oui. C'est une sorte de thérapie. Parce que ça avait une âme, Saint-Roch. Saint-Roch. A une âme, Saint-Roch. Puis de voir ces gens-là qui arrivaient puis qui pleuraient, là, c'était triste. Puis ils disaient, Monsieur Fortier, nous autres, non. C'était-tu là, vous? Non. Non, nous autres, c'était là. Puis c'était. Puis là, ben là, la voisine, elle s'appelait telle, puis tout ça, parce qu'ils se connaissaient entre eux autres. Ces gens-là, ils avaient été. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, mais à quel endroit se retrouvaient ces gens-là? Est-ce qu'après avoir été expropriés, est-ce qu'il y en a qui sont restés dans le quartier ou est-ce qu'il y en a qui sont carrément été dans d'autres quartiers? Où est-ce qu'ils se sont retrouvés, ces gens-là? À Beauport, mais pas dans Saint-Roch, ni dans Saint-Sauveur. Ces gens-là, ils ont été en banlieue. Là. Puis là, quand ils ont vu là, que et là, ça a repris vie, là, ils sont venus, ces gens-là, puis ils venaient, là, il y en a qui pleuraient à chaud là. Déconsolés tellement, qui ne voulaient pas. C'est comme si tu leur avais arraché le cœur. Oui, c'est vraiment ça. Arraché le cœur, là. Oui. Puis la maison qu'il y avait, là, qui restait seule sur la rue Fleury, sa succession qu'il y a. Là, ils ont réussi à démolir. Mais comment que la ville s'est acharnée pour pouvoir les exproprier? Non, je m'en vais pas. Mais je pense que c'est la seule que tu me tends. Puis là, revenons encore en 91, là, vous avez, c'est vous qui avez dit à Louis, il dit, il faut faire de quoi? C'est quoi votre rôle d'être dans la fondation de l'îlot? Qu'est-ce qui a fait que Louis est sorti dehors et a décidé d'aller mettre des fleurs et des statues? Là, c'était un dimanche, et puis là, on a sorti dehors. Et puis, comme on vous a dit, je vois tenir, j'ai dit à Louis, c'est-tu quoi là? Grand terrain, tout ça. Oh, il dit, on plante-tu quelques fleurs? Oh, j'ai dit, on va acheter des fleurs. Et puis là, on a acheté des fleurs. Et Irénée arrive sur l'entrefait. Oh, il dit, c'est-tu où on prend mettre des sculptures? Moi, il dit, ah ben c'est là-dedans, on va aller chercher des sculptures. Lui, il faisait des sculptures avec de la pierre. Et puis là, c'était beau parce que tout ça. Et puis. Une part de hasard, là, dans tout ouais. ça. Comme un carreau, ouais. Oui. Et puis, là. Fait qu'Irénée, il l'a pas appelé. C'est Irénée qui est arrivé sur l'entrefait. Sur l'entrefait. Il a visité, lui. Ouais. Oh. Il était en train de faire ça. Ouais. Ah, ouais. Et okay. On était en train de mettre la pierre. Puis, Louis, j'ai des fleurs. On plantait des fleurs. Je lui ai dit, va chercher des fleurs. Ah, il dit, oui. Mais ça faisait beau, tu sais, puis tout ça. Puis là, Irénée, puisqu'il venait voir Louis, parce qu'il était artiste peintre, lui, ici. Et il dit, bien là, Irénée, tu sais-tu, mes sculptures feraient bien, là. Là, amène les sculptures. Là, les gens arrêtaient de dire, oh mon Dieu, c'est beau, et tout ça. Et puis là, la police, là, Robert Fleury qui vient, et tout ça. Là, t'as Robert Gillet qui s'est fait dire, il y a des gens qui font du trouble. Qui se sont appropriés un terrain illégalement, ils squattent un terrain illégalement. Puis là, il dit, je sais pas si tu l'avais peut-être lu, on avait peut-être parlé, mais là, il dit, je me suis rendu compte que ces gens-là faisaient du vandalisme, mais à l'envers. Fait que lui, il décide de supporter le mouvement. Fait que tu sais, c'est tous ces gens-là qui fait que ils se font pas ramasser finalement, puis que c'est toléré. Puis là, les gens qui étaient expropriés, ils arrivent. Mais après. Avant, j'avais été avec Charlotte, puis Charlotte Morel, et puis j'avais dit à Louis, ils ont trouvé des seringues partout. Fait que Charlotte, il allait dans la cour qui est là. Parce qu'elle habitait, tu sais, une maison en pierre. Point, là, en pierre, grise. Puis il y a une grosse clôture, là, bleu. Qui est super longue. Ils ont comme un terrain qui longe dans le fond, la côte, la chapelle. Oui, en descendant. En descendant, fait que... Puis c'était directement en face du terrain de l'îlot. Fait que probablement qu'il y a des gens qui allaient dans sa cour pour se piquer ou faire toutes sortes d'affaires. Puis elle avait des jeunes enfants à ce moment-là. Ben oui, elle avait deux bébés. Et puis, ils mettaient du trouble, tu sais. Puis quand ils se drogent, ce drap, ils ont comme laissé aller, hein. Puis ils faisaient ça dans sa cour. Ben, elle était insultée. Puis c'est allé dans ça, ils faisaient leurs besoins. Besoin dans sa cour. OK. Et puis, là. C'est quand même intense. Là, j'ai dit. Elle dit, Denise, on montait à l'hôtel. On était 5 semaines qu'on le montait tous les lundis. Parce que là, il y a un point de repère aussi qui est sur Saint-Vallier qui distribue les seringues. Il est venu un peu plus tard, il y a à peu près 6-7 mois plus tard. Après l'îlot. Non, on avait commencé l'îlot. Oui, ils sont arrivés après l'îlot. Après ou avant, il me semble qu'il était là avant. Non, il est venu après l'îlot. Après l'îlot, parce c'est que. C'est sûr, parce que quand l'îlot s'est installé, j'ai un article qui dit que le point de repère était contre. Ah, peut-être, qui était avant. Parce que les autres, c'est distribué des seringues juste en face, puis tu as une piquerie à ciel ouvert qui est là, puis qui vont faire leurs besoins chez Charlotte, tu sais, à un moment donné, ça devient dur. Mais ça fait tellement longtemps. Tolérer ça, c'est sûr. Fait qu'on a monté, là, c'est André Arthur. Andratchik. Andratchik était impliqué aussi, oui. Ça, je savais pas ça. Et puis, il m'a appelé. Puis là, je lui ai dit que je trouvais des scènes partout. Et puis que là, on montait avec le mal allié. Et lui, là, il a pris ça, là, hein. Il a fait une bombe avec ça. Mais l'autre, Robert Gillet, l'écoutait. Il l'écoutait. C'était des compétiteurs. C'était des compétiteurs. Mmh. Mais là, l'été, là, les nouvelles n'ont pas bien bien, là, hein. Okay. À Québec, là, ça se passe pas. Et puis, il y avait du temps, mais il y avait du temps de l'horaire. Il fallait qu'il compte, puis tout ça. Fait que là, là, André Arthur, il a pris ça, puis là, il a fait du bon. Il a entendu ça, puis il a dit que c'était un bon filon. Il a embarqué aussi. Ben oui. Puis. Lui, je pense qu'il allait. Il s'était fait dire qu'il y a des gens qui faisaient du vandalisme sur le terrain de la ville. Fait que lui, il allait condamner les gestes. Puis quand il a rencontré Louis, Denise, le Riordé, il n'y a plus les gens, les sculptures. Là, lui, son idée a changé. Ah oui, il a viré beaucoup pour moi. Ouais. Au contraire, quoi, ça a été un des acteurs importants. De... Oui, puis le mal, l'allié, il a dit, en voulant dire, pour leur faire fermer la boîte, on va aller couper le foin, mais juste cette largeur-là, autour. Okay. En voulant dire, ben là, ça va leur faire fermer. Mais là, écoute, t'avais toutes sortes de cochonneries, t'avais. Et ça, puis on dit, là, Louis, il dit non, là, Robert Gillet, non, il dit, il faut que ça soit nettoyé, c'est là. C'est avec Robert Gillet, là, non, lui. Dans les premiers jours de l'île, peut-être la première semaine, à peu près. Oui, dans la première semaine, puis là. L'allié, il a dit, à un moment donné, dans un mois, ça sera plus là. Tu sais, il n'y a plus. Ok, ouais, les gens vont s'en aller. C'est ça, ça va être éphémère. Puis là, lui, ça l'a surpris, l'allié. La résilience, tu sais, de. Puis c'est impressionnant. De Louis, tu sais, puis des gens, tu sais. C'est clair que c'est super, hein? Puis surtout, ce qui était beau là-dedans, puis j'ai toujours dit à Louis, j'ai dit, qu'est-ce qu'on veut, c'est pour les enfants. C'est pour les personnes âgées qui puissent avoir une table de pique-nique, des balançoires, d'avoir pour les enfants, qui peuvent jouer. Ils ne pouvaient pas jouer. Ils pointent en haut de même. La pétanque aussi. La pétanque. Ouais. Les gens venaient jouer à pétanque. Et puis là, ils disaient, ben là, M. Fortier, les gens, ils ne peuvent pas stationner s'ils jouent à pétanque. Louis, il dit, franchement, ça te dérange quoi, là? C'est vacant. Ils peuvent-tu jouer à pétanque? Fait que là, les gens, ils arrivaient. Là, Louis disait aux gens, non, on n'en veut pas de tickets. Et regarde, ils viennent jouer à pétanque, là. Ils s'installent là, regarde. Et puis... Là, tu as des gens qui font des heures de travaux compensatoires. Ouais. Là, tu as une vraie mixité sociale. Parce que moi, j'étais enfant, je côtoyais des personnes âgées, je côtoyais des gens, des personnes, mettons, d'âge moyen, qui étaient... tu sais, il y a une madame qui dit, moi, je vis dans un appartement, j'ai juste mon petit balcon, puis ici, je peux venir faire mon jardin. Ça fait qu'elle venait faire son jardin. T'avais toutes sortes de gens, t'avais des artistes, t'avais des poètes comme Hugo Chouinard, qui c'est des gens intéressants à côtoyer. Ben oui. Fait qu'il y a un foisonnement d'idées, de gens, de personnes, il y a une vraie mixité là, qui s'opère. Oh, ça, c'est une belle richesse. C'est comme un quartier qui vit. C'est comme une vraie vie de quartier. Un centre communautaire assez ouvert. Oui, vraiment. Oui, parce que les gens, il n'y avait rien dans le quartier. Puis là, d'avoir des tables de pique-nique, et puis là, Louis, il a eu la roulotte. Là, il a eu un haut-parleur. Là, il mettait de la petite musique. Et puis, à un moment donné, c'était tellement... Ça, la roulotte, c'est qui? C'est la ville qui a fait ça? Oui, la ville qui... Et ça, vous l'avez eu à cause de... L'anneau de glace, la première année. Oh. Oui, parce que Louis disait, les enfants, ils n'ont pas de patinoire. Et puis, on va faire... Mais Louis, il avait des idées, mais Louis, ça ne va pas faire une patinoire. Tu ne savais pas comment ça marchait. C'est ça, lui, il avait des idées, mais il fallait qu'il s'en... Fait que là, à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive, il disait, Louis, savez-vous comment qu'on arrose ça, une patinoire? Tu lui faisais ça n'importe comment, c'est ça. Il faisait ça comme il pouvait. Il dit, non, vous ne l'avez pas, M. Fortier, vous ne l'avez pas partout. Et il dit, monsieur, il dit, c'est un art, faire une patinoire assez ouverte. Et je vais vous arranger. Il y avait toujours quelqu'un, quelque part, qui venait avec le. Et puis lui, là, c'était d'une beauté de le voir. Là. Il arrivait à vers 9h30 de salle, pharmacien. Et lui, là, la manière qu'il faisait la hausse, là, c'était de l'or. Il y avait la glace, ça était lisse, là. Et puis, là, il a dit à Louis, le 1er mars, il n'y a plus de glace. Oui, je vois l'ordre, il dit, bon, non. Et il dit, c'est le printemps, ça s'en va vers le printemps, c'est plus granuleux, et donc la glace, ça ne sera pas bon. Puis, il connaissait ça, le monsieur, parce que c'est vrai, dans le bout du 5 de mars, là, non, la patinoire. Puis là, on a eu cette roulotte-là, donc ça servait de. Secrétaire, okay. Puis okay. Il y avait un bureau. Il y avait un bureau, puis ça il y avait. À composer aussi les outils, les choses comme oui, ça. Il y avait tout ça. Et puis à un moment donné, il y a eu les pognes. Là, les pognes, ils descendent. Ah, ça, tu peux raconter. Oui, oui. Fait que là, les pognes, ils ont dit on va. Louis, tu ne pouvais pas rester ici. Et tu vas voir qu'on va te faire de la misère. Et tu dis Louis, il dit pas de problème. OK, pas de problème. Il me regarde, il dit, Denise, il dit, je pense, tu n'auras pas une idée. Et j'avais pensé à la musique classique. J'ai dit, ma peau du Nabucco, tu sais, le show des esclaves. Du Verdi, non. Ma peau du Verdi, ni du Beethoven, mais du Beyoncé, puis mais du Wagner. La musique de Wagner, si tu n'es pas approprié, c'est terrible pour les gens qui attendent. Fait que là, ils sont allés là, ils sont attablés. Puis, là, Louis met la musique classique Wagner. Il dit que ça, de musique plate, que c'est ça. Et tu vois, les gens, ils ont parti en dans 15 minutes. Le lendemain, ils sont venus. J'ai dit, oui, ils sont venus, ils ont mis de la musique classique, t'as pas eu de violence, t'as pas eu à te chicaner, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a eu rien. Oui, c'est ça. Ça s'est fait en douceur. Je pense que c'est en Suède aussi, j'ai relu, tu sais, au début des années 2000, ou en 2010, j'ai relu ça, on en a un article qui mettait ça dans les espaces communs pour. Ouais. Ouais. Faut que ça se passe mieux, tout ça. C'est comme. Oui. Ça m'avait frappé quand j'avais lu cet article-là. Ça, j'ai déjà vu ça aussi dans le parking, justement, de Charest, dans les cages d'escalier, il y avait de la musique classique aussi. Oui. Parce que la musique la musique classique, elle apaise. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, il dit ça, tu plates ça. Moi, je sais plate, ça n'a pas de bon sens. Puis tu ne vois pas. Si tu as quelqu'un qui veut faire du trouble, qui attend la musique classique, il ne restera pas longtemps. Et puis, comme on avait du vandalisme, alors, comme à Montréal, là, ils sont pris dans Saint-Henri, et puis, on avait tout rassemblé les voisins. Et puis, il y en avait qui travaillaient de nuit, travaillaient dans un bar, ils étaient barmaids. Et puis ils finissaient vers 3h. Il y en avait d'autres qui finissaient à minuit et tout ça. Puis Louis disait, ben moi, je me couche vers 11h. Donc, on avait une terrasse. Donc, il voyait tout, lui. On voyait tout ce qui se passait. Quand il y avait une auto qui voyait, il disait, qu'est-ce que tu fais là? Le gars était là. Ce qui sort, il ne savait pas où ça venait, là. Louis disait, t'as pas d'affaires ici. Affaire du monde. Va-t'en chez vous. Fait qu'il y en a un qui commence à crier, il criait, et dit, qu'est-ce que t'as à crier? Ben, j'ai goût de crier. Il dit, pourquoi tu vas pas crier? Il dit, tu restes où, toi? Il dit, je reste à Capro. Il dit, pourquoi tu vas pas crier dans la rue chez vous? Il dit, papa veut pas. Ben, il dit, pourquoi tu viens faire ici? Tu nous déranges. Il faisait un peu la police, là. Ouais. Puis, ça s'était divisé, ça. Fait que la personne, il y a 3 heures du matin, okay. Qui revenait. Ouais, toute la nuit, c'était. Il y avait, comme des gens qui, dépendamment, c'était comme organisé. Là. OK. Si tu as un petit trouble dans ton quartier, ouais. Dans ton quartier, là, Puis on choisit, on n'allait pas chez les voisins, on ne rentrait pas chez eux. Là, Louis disait, un voisin, là, à un moment donné, c'est l'été, là, Louis, on se réunit, les voisins, dehors. Puis là, c'est là que Pierre, à côté, il dit, moi, je fais du cinéma, là, je pars à 4 heures du matin. Fait que Louis, il disait, ben, mais, passe une minute avant, prends ton auto, fais le tour du quartier. Une fois ou deux, voir si c'est correct. Et c'est comme ça qu'on a sécurisé le quartier. Parce que plus c'est surveillé, plus qu'ils reviennent pas. Mm-hmm. Ils reviennent pas, là. Plus qu'ils sentent qu'il y a une présence qui est habitée, qui sécurise, surveille. Puis j'ai dit, c'est pas croyable comment que c'est la force des gens que quand ils se tiennent, et puis au carré de l'épine, ils se faisaient toujours briser les autos. Et puis là, à un moment donné, à 5 heures du matin, on attend du bœuf, on appelle la police. Ils ont tout ramassé. Bon, ils ont embarqué, ils ont pogné sur le fait, puis ils ont embarqué. Mais quand les gens disent que tu veux sécuriser, c'est pas croyable. C'était tout bénévole, c'était tout des voisins. C'était tous des gens, des bénévoles. Il y a quand même un intérêt, ces gens-là, à ce que ça se passe bien. C'est ça. Parce qu'il y en avait un qui était venu louer, et il dit, moi, tu vas une valeur, il dit, je vais vous en faire du trou. Il dit, m'impressionnez pas. Fait qu'un soir, les résidents, ils te l'ont pogné en sandwich. Ils ont dit, regarde, tu resteras pas longtemps ici, toi. Puis t'es mieux de te tenir tranquille. Il était pas gros, là. On l'a pas entendu. Il y a une grosse solidarité qui était forte. Ah oui, c'était fort. À partir du moment des lots, quand l'île a commencé, là, ça a comme stimulé un peu. Les gens aussi commencent à se connaître. Ils se rencontrent, ils échangent, ils deviennent plus proches, ils tissent des liens. Mm-hmm. Parce que quand on est tous dans notre petite maison, ouais, c'est ça. Ouais. On se connaît pas, on se voit pas. On se voit pas. Parce que, comme ici, là, lui, il connaît un peu son voisin, il connaît. Tu sais, tu dis bonjour. C'est pas comme si on avait un projet comme ça. Non, non, tu sais, tu dis bonjour. Ou il va te dire, ben, je m'en vais en vacances. Tu dis, ben, pouvez-vous, tu sais, checker, regarder, voir si tout est correct, sans rentrer chez les gens, puis sans connaître leur vie, là. Mais tu sais, on se faisait aussi, tu sais, les loups, il y avait des soirées d'improvisation de théâtre, il y avait des épluchettes de blé d'Inde, il y avait des pique-niques avec des petits sandwichs, il y avait... McDonald's était venu. Ah oui, McDonald's. Ah oui, Coca-Cola venait porter de la liqueur. Ah la bière venait lui porter de la bière. Oui, la bière, il l'avait retournée. Il l'avait retournée parce que les gens prenaient un coup. Là, la police, il disait, « Monsieur Fortier, savez-vous que vous n'avez pas le droit d'impact d'avoir de la poisson? » Oui, je ne savais pas. Fait que là, le monsieur, il arrive encore avec 3-4 caisses de bière, puis c'était toutes les soirs, là. Oui, il dit non. Vous direz merci beaucoup, je l'apprécie, mais je n'ai pas le droit. Alors, le monsieur avait reparti avec ses caisses de bière. Mais c'est pas ça. Ça tisse des liens aussi, tu sais, avec les gens de ton quartier, les voisins. Ah oui, c'est. Le moment d'échange, il n'y a rien de mieux que la bouffe. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Puis, comment que lui. C'était comme un défenseur. À un moment donné, on s'en va sur le boulevard Charest. Il y a un monsieur, un jeune homme, une jeune femme. Il était en train de battre la jeune femme. Là, on est en la rue Dutchesser de la Couronne. Louis, il a arrêté l'auto. On a débarqué de l'auto. Et là, le petit gars, là, on a remonté la jeune fille. Et là, le petit gars s'est sauvé, tu sais. Puis là, elle a dit, non, je vais bien. Oui, ils ont envie de porter à l'hôpital. Non, elle dit, je vais bien, tu sais. Fait que c'était... dans ce quartier-là, les gens, là, ils s'aidaient, là. C'était... tu sais, c'était pas une vedette, là, Louis, là. Je disais toujours, c'est pas une vedette, tu OK, tu es le lot, là, mais je disais... On est là pour aider les gens. Il y en avait des gens qui venaient. On a des règlements de compte avec la ville. On va aller chercher des subventions de 100 000, 200 000. Et puis là, moi, il me disait souvent, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Hein? C'était lui qu'on parle. T'es grossier, là. Les gens t'as grossi vis-à-vis moi. Moi, je me disais, c'est pas toi qui couches avec, c'est moi. Fait que le soir, le soir, je disais, oui, pourquoi qu'on a fait les loups? Et il dit, c'est pour que les gens aient des tables de pique-nique et tout ça. C'est, si les gens, ils ont des comptes à rendre à la ville, c'est pas notre problème, ça. Puis d'aller chercher de l'argent à la ville des 100 000, t'en as pas besoin. Ce que t'as besoin, c'est des fleurs, de la terre, table de pique-nique, t'as la roulotte, t'as le haut-parleur, t'as le jardin communautaire, t'as les balançoires pour les enfants. Mais j'allais quand même chercher des subventions pour les artistes, par exemple. Oui, beaucoup, beaucoup. Puis il n'y allait pas juste, tu sais, à la ville. Je ne sais pas si tu as vu, j'avais mis une vidéo avec pour Bill Vazan. Lui, il avait, tu sais, le premier symposium de sculpture. Ils ont fait venir Bill Vazan qui faisait du land art. Puis à la fin, là, lui, il allait cogner. Fait qu'il allait chercher des subventions de la ville pour qu'un artiste de cette trempe-là vienne à Québec. Puis il est allé voir, tu sais, là, il y avait comme une quinzaine de commanditaires privés. Fait qu'il est allé chez Brunet, il allait chez Cadrin, il allait à l'impasse des Deux Anges, il allait au Clocher Penché, il allait. Fait que là, t'en avais plein, il allait, tu sais, il y avait Ashton, Quentin, le monsieur d'Ashton. Fait qu'il allait voir, lui, les commerçants du quartier pour qu'ils contribuent à ça, tu sais, à ces projets artistiques-là. Fait que ça permettait aux artistes aussi de vivre. De créer des choses. Fait que probablement, tu sais, Pierre, là, Thériault, son totem, je sais pas s'il y avait eu un. Tu sais, des fois, il y avait une subvention, des fois, non. Pierre, lui, il était médecin. Ouais, ça fait lui, il avait pas besoin, là, mais tu sais, il y avait quand même des subventions pour la Symphonia, peut-être qu'il y avait. La Symphonia, elle venait, et puis. Je ne sais pas si elle demandait. Il semble qu'il y avait un violoniste là, qui avait eu un cachet. Oui, il y avait juste lui, le violoniste. Qui avait été payé, OK. Puis là, tu vois là, que là, j'ai des photos là-dessus, là, que là, la ville fournit les estrades. Et là, tu vois les religieuses qui ont parti de la haute ville, puis qui viennent entendre la musique classique. Et puis, c'est tout les lots fleuris. Les Ursulines, les Augustines. Je ne sais pas, tout ça. Et puis. Il était quelle couleur, la reine? Bien, il y en avait qui étaient bien en brun ou en gris, tu sais, puis qui avaient une chose, je pense que c'était les Augustines. Il y en avait à l'église Saint-Roch aussi. Et puis, ça venait écouter de la musique classique. Des gens qui n'étaient jamais venus dans le quartier. Mm. C'était plein, ça écoutait la musique. T'as aussi, je pense, t'avais le musée La Civilisation qui était venu voir les loups, voir comment ils avaient fait pour mettre l'art dans la rue de même. T'sais. Je pense, dans un des articles que j'avais vu. Hein? Ouais. Fait que, t'sais, comment vous avez fait ça, mais démocratiser ça. Il s'appelle Noël. Là, il appelle Robert et tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants dans le Saint-Roch que c'est monoparental, puis les enfants n'ont pas d'arbre de Noël. Oh, ben, je l'ai dit, on va t'organiser ça. Organiser ça. Fait que, en fin de compte. C'est Robert Gillet qui a un. Oui. Qui a un numéro pouvoir de diffusion. C'est un numéro un. Incroyable. Et puis là, on a donné des arbres de Noël. Est-ce que les familles étaient heureuses? Mais là, le problème, c'est que on avait des Mercedes, des Cadillacs, les madames qui sortaient en moto pour eux. Louis, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est ici que vous donnez des ordres de Noël. Oui, pas pour vous. Et c'est pour les enfants du quartier. Elle dit, écoutez, j'ai écouté Robert Gillet, vous donnez des ordres de Noël. Non, non, prends pas un casse-à-pain et donne-moi un chèque. Donne-moi un chèque de 50 piastres. Et c'est même valeur. Il dit, je veux plus vous voir ici. Repartez avec ça, puis je veux plus vous voir. Et c'est pas croyable. Et là, à un moment donné, ils font un déjeuner, tu as les grosses cafetières, il y avait du monde. Puis là, il fallait gérer ça, ce moment-là. Il fallait gérer ça. Là, au commencement, les premiers jours de l'îlot, je faisais des sandwichs, et on puis tout ça. Des puis, ouais, des sandwichs avec Irénée Lemieux. Irénée Lemieux, il dit, oui, là, elle, non. Il dit, moi, je suis en train de me ruiner. Puis moi aussi, parce que là, j'avais un budget, mais là, elle sortait des plats de sandwich en 35 minutes, elle n'avait plus. Mm-hmm. J'ai dit à Louis, ça n'a pas de bon sens. Et fait que non, il met une bouteille d'eau, là, des grosses bouteilles d'eau, et ça, il met dons. Là, les gens mettaient des dons, et puis on achetait de la liqueur. Avec les dons, on achetait de la liqueur, de la terre et tout ça. Mais les gens étaient heureux, tu sais. Lui, il avait des idées, puis il était capable d'aller les financer. Parce qu'il allait voir les commerçants, il avait une bonne oreille de l'allier. Fait que là, tu sais, lui, il croyait en. Tu sais, comme Bill Vazan, il essayait de financer au privé au début. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'ils ne vont pas y arriver. Il va voir l'allier, puis l'allier décide de combler ce qui manquait. T'sais. Fait que lui, il dit, ben, il manque quelques mille. Il l'a donné. Hydro-Québec l'a donné aussi. Fait qu'il avait des idées, mais il était capable, après ça, il travaillait en équipe avec Denise, puis il était capable de financer ses affaires puis de s'entourer. C'est comme les déjeuners des enfants. Mm-hmm. Quand il a su que ça arrêtait pendant la période scolaire puis qu'il y avait la période estivale à combler, ben là, il dit, il faudrait que ça continue. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... c'est qui avait financé? Il y avait le groupe, la maison... Kingsman. Puis après ça, il va remettre cet argent-là, je pense qu'il va, il va travailler bleu. Avec le pignon bleu. Fait que tu sais, il va toujours aller s'entourer, il va aller chercher de l'argent pour faire une sculpture, il va proposer ça à un artiste. Il va dire, hey, j'aurais un cachet de 2000, tu viens-tu faire une sculpture à Lilo? Il va, tu sais, fait vivre le... Parce que les dans le lieu avec ça. Ces idées qu'on est capable d'aller financer avec des alliés qui vont être importants. Puis comme Marie, elle, regardait, Méduse avait des appartements suffisamment marqués, il y avait Méduse, et Bill Vazan, il restait là. C'est qui avait ça? Méduse, t'as ouais. Des appartements. En haut, hein, c'est encore là. Oui, oui, puis quand Bill Vazan il est venu faire des sculptures, Francine Larrivée, c'était une grande artiste, elle, à Montréal. Elle est descendue à Québec. Et puis, elle restait là, dans les appartements de Méduse pour faire son œuvre. C'est encore là, il y a des critères, mais il faut que soit un artiste, soit là pour une certaine période de temps. Ouais. Ouais. Puis là, il allait manger chez Abraham Martin, déjeuner, dîner, souper. Puis c'était Lilo qui payait. Ouais. Ça aidait Marie. Ça aidait Marie. Ça aidait du commerce dans le coin. Puis il ne s'occupait jamais de finances. Hein. Louis disait, moi je ne touche pas ça. C'était vous, ça. Ouais, c'est ça. C'est... Jamais de finances. Là, j'ai dit à Louis, ça prend un président, un vice-président, un secrétaire. Pas un conseil d'administration. Oui, un conseil d'administration. Puis ça prenait un trésorier et tout ça. Là, on s'était trouvé une équipe parce que je disais, si moi je touche à l'argent, ou si toi, non, non, c'est ça. Là. D'abord, il y avait juste les dons qu'on voulait juste pour avoir, supposons qu'il manquait de la terre ou ces affaires-là, ou pour le jardin communautaire. Ça servait pour ça. Puis là, c'est là qu'il y a en jeu aussi des gens importants comme Marcel Landry. Marcel Landry. Tu penses que tu as vu un peu, là? Oui, je l'ai déjà rencontré, oui. Quelqu'un là, de très, très, très, très intelligent, un intellectuel, qui lui est fonctionnaire. Fait que là, quand je disais lui, il est bon pour aller chercher des subventions, il est bon parce que il y a Marcel Landry qui, lui, il sait comment remplir tous les formulaires, okay. Il sait quoi dire, connaît, il y a un réseau. Fait que Marcel Landry, c'est important. Là. D'ailleurs, c'était un des premiers présidents de l'ILO, je crois. Là, Marcel, il y a de l'Alzheimer. Hein? Oui, il y a de l'Alzheimer. Mais Marcel, là, c'est exceptionnel, quelqu'un comme Marcel. Eh bien, quand il disait, Louis, il disait, Marcel, laisse-moi ça entre les mains. Il était toujours bien entouré, il connaissait rien, mais il allait toujours chercher quelqu'un qui... Parce que mon père disait toujours, si tu ne connais pas ça, va chercher quelqu'un qui connaît ça. Lui, là, il est comme un avocat. Si tu ne connais pas la loi, va te chercher un avocat, lui, il va savoir quoi faire. Ça fait, j'ai dit, va te chercher ça, c'est ça que tu as besoin. Tu avais Marcel Landry, Tu avais Robert Fleury. Oui, Robert Fleury avec ses articles. Et il y avait, souvenez, sur la rue Dupont, il y avait un journal, Le Lieu, je ne sais pas. Oui, le, ouais. Encore, ouais. Il a beaucoup parlé de l'îlot Fleury, que tu as des exemplaires de ça. Il vendait les autres leurs journaux. Et puis j'en avais acheté pour l'îlot et tout ça. Et puis. Il était très, très bien entouré. Et puis, quand il y a eu l'archipel, l'archipel était en haut de la côte d'Abraham. Et là, Gilles Kay, il est venu à l'îlot. Puis, le bien-être social lui avait coupé son bien-être parce que lui, il s'occupait des gens de la rue, mm-hmm. Soigner les gens c'est de la rue. Se couper le... Et puis là, le bien-être. Il a comme Gilles Kay. Le bien-être, il a dit, on vous coupe. Là, parce qu'il disait que c'était pas son monde. Le pantou, c'était d'aller travailler, d'avoir un salaire, mais lui, c'était pas ça, c'était okay. De prendre soin. Là, lui. Il avait coupé. Et là, Louis, on il appelle. On a vu pire, mettons, hein? Ouais. Tu sais, non. Fait que Louis, il a appelé Robert. Gillet. Puis là, il explique ça. Là, Robert Gillet pogne la chose. Fait que lui, il dit, on va faire une fondation Gilles Kay, que c'était l'archipel qui, en premier qui l'administrait. Il me semble de nous, encore. On est sur le coin d'ici, tu parles. On faisait du stop aux autos. Là, il y avait du monde sur le boulevard Charest. Et là, Robert Gillet, ça nous prend 25 minutes. Pour qu'il puisse avoir un salaire. J'ai la fondation pour qu'il puisse avoir un salaire. Puis de s'occuper de. Là, il me semble de voir. Ça, c'est quelle année, ça me plaît? Les années. 90, 94, 15. Des années, l'îlot était pas mal avancé. 87, 96, me semble. Non, à peu près 93. Ah. Et puis, on est dehors. Il pleut, excusez. Il pleut. Oh boy, fait que là, mais on a remboncé l'argent. 25 000 piastres. Ouais, on a remboncé. Là, Robert Gillet, pour ça, Robert Gillet, ça marche pas, tu sais. Non, ça marche pas. Fait que Robert Gillet, il dit, quand on va avoir 25 000, on arrête. On n'en veut plus d'argent. On a remboursé. Sous la pluie, oui, puis il faisait le vent d'automne, hein, les vents de 60. Ah, on était gelés. Là, à un moment donné, Robert Fleury arrive à côté de Louis. Il dit oui, il dit la Banque nationale veut donner la maison sur la rue du pont de Gilles Kay. À mm-hmm. Gilles Kay. Ah, oh, mais oui, mais Robert, il dit, c'est tout délabré, bon. Il dit ça ne faut pas. Il dit oui, peux-tu venir là-bas? Fait que Louis, il va l'avoir. Très bonne maison. En bas, c'était pour les gens des démunis, puis en haut, c'est son logement. Ouais, mais Robert, il dit, ça n'a pas de bon sens, ça va coûter cher, puis tout ça. Ah, Louis, je vais appeler Robert Gillet. Fait que Robert Gillet, il parle à Robert Gillet, là, ça va prendre de l'argent pour rénover la maison. Fait que c'est là, il y a. C'est la maison qui. La maison. C'est tout Louis qui l'a refait. Ah, ouais. Oui. Oui, il l'a fait avec ses pieds cassés. Puis, il a relevé la maison. C'est encore ce que Louis a fait. Hein? C'est vraiment son style avec les baguettes. Puis les... Oui, oui. Puis ce côté, là, de tout. Tu sais, là, c'est les couleurs. Il y avait peint une chapelle aussi. Mais il y a eu un dégât. Fait que là, Louis, il dit. Je sais pas, mais il dit comment. Louis, il a trouvé. Pour faire la toiture. Il a trouvé quelqu'un pour Franck Langevin pour nettoyer le brique. Là, ça prenait des gens pour les fenêtres. Là, il y a les pas, tout arrangé. Je te disais, c'est ça, il va chercher. Il réussit à. Il n'est pas gêné de prendre le téléphone, d'aller chercher des gens et de vendre son affaire. Et puis, quand Gilles Kay est rentré dans son payback, la maison de Gilles Kay, et puis quand il est rentré dedans, il a dit à Louis, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Puis dans son livre de J.K., il parle beaucoup de Louis. Ah oui? Oui, parce que Louis est allé... Et si tu vas prendre cette maison-là, parce qu'elle était délabrée, mais Louis connaissait les maisons. Ça veut dire, lui, que ça n'avait pas été bonne, elle n'aurait pas été bonne. Il dit, non, c'est une bonne maison, celle-là. Ben oui, c'est une bonne maison. C'est une très bonne maison. Il dit, elle a besoin d'être rénovée. Elle est très vite, hein. C'est bien. Il est vraiment bien, bien installé. Puis là, là, il dit, tu vas te faire une salle commune, et toute une salle. Puis il a arrangé les armoires. Il a fait. Fait que quand il a livré la maison, il ne devait pas d'hypothèque dessus. Puis tu vois, la mère de mon fils a été bénévole pour Gilles Kay. Fait qu'une fois de temps en temps, une fois par mois, je pense, il fait un dîner le vendredi. Puis mon fils y va. T'sais. Fait que là, c'est comme un retour de la vie. Je sais pas trop. Ouais. Des fois, c'est bizarre. Hein? Ça, c'est un hasard aussi. Puis pendant des années, on était dehors pour aller chercher son salaire, puis pour faire vivre Gilles Kay. Donc, la fondation maintenant. Et puis là, Gilles Kay, là, beaucoup de gens lui laissent les gens décèdent. Et puis, il laisse l'héritage à Gilles Kay, à sa fondation. Et puis, Encore aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire. Peut-être que Gilles Kay n'a jamais pu être ce qu'il est devenu sans parler de lui. Non. Je pense que ça l'habitait quand même. Là, c'est sûr que ça donnait un bon coup de pouce, mais. Oui, parce qu'il y avait des gens. C'est quand même quelqu'un qui a de l'envergure aussi. Là. Tu sais, peut-être que ce serait des gros. C'est un homme qui était très gentil. Il est gentil, Gilles Kay. C'est quelqu'un, c'est un hot, là, ça, Gilles Kay. C'est quelqu'un. Oui, il est amené à l'îlot, il me semble, en vélo. Puis il a dit, coupe mon bien-être parce que je prends trop soin des gens, des démunis. Mais les tu vois, c'est une bonne affaire parce que là, ça a mis d'autres gens, qui, d'autres alliés en action. Fait que finalement, c'est une bonne chose parce que là, il avait vécu précairement accroché à ça. C'est vrai. Alors que finalement. Ça avait tombé. Ouais, ça prenait ça pour qu'il passe à l'autre étape. T'sais. Parce que je dis à Louis, il faut aider les gens. J'y tiens, là, OK, t'es le on t'a parti ça, c'est beau, bien fin, puis là, on est en train de déjeuner au Normandin, Robert, là, il disait, on cherche Louis Fortier, les gens l'appelaient, oui, Louis Fortier, il est en train de déjeuner avec sa femme Denise au Normandin sur Beauvoir-Charest. Là, Pauline arrivait, Louis t'est demandé Robert Gillet en direct au téléphone. Et puis, puis là, Robert Gillet, là, il parlait et tout ça. Et puis la dernière entrevue qu'il a donnée avant de mourir, c'est 3-4 jours avant. Et puis là, il fait ses adieux à Robert. Ça, fait que, mais moi, je me dis, Robert Gillet, il a tellement aidé. Ce qu'il a fait après, ça, ça nous je pense qu'il n'y a pas, mais... si pas été coupable. Hein? Je ne sais plus trop. Ouais. Oui, c'est ça, il a peut-être été. Ouais, c'est ça. Il était acquitté, je ne sais plus trop. Je ne connais pas trop les détails. Pas trop des détails, là. Et puis tout ça, mais il a perdu son emploi. C'est quand même dommage. Hein. Puis c'était triste, là. Puis une chance que. Puis il était fin, il était très gentil. Puis lui, quand il disait, là, bon, là, on a, Louis, là, vendredi, là, elle, ça arrivait, là, à 5 h du matin. Là, une petite anecdote. Là, le maire Lallier, ils ont invité le maire Lallier à venir planter un arbre à l'Île-aux-Fleurs. On avait des toilettes chimiques. Mais il y en a un comique qui a fait tomber la toilette chimique. Mais ça sentait l'urine, ça sentait le mauvais. Là, Louis, il dit, mon Dieu, là, on se met à rire. Parce que là, ils ont remonté de la toilette, tu sais. Fait que. Puis c'est à côté où ce que le maire Lallier posait son arme. Ah. Et tu. Et tu vois, le maire Lallier qui arrive, ça sentait mauvais. Nous, là, Robert Chenet, tu sais que c'est ça, puis. Il y a eu comme un que je dis, il dit la toilette chimique. Quand même, l'avait planté vite, son c'est toutes des choses là, que... Il y a un truc que je me demandais avant de vous rencontrer, c'est les motivations profondes, dans le sens, c'est quoi qui vous poussait là, comme ça, à faire des efforts là, comme ça? Tu sais, c'était un job à tous les jours, tu nous racontais ça de pas. C'était quand même temps plein, c'était ce job-là, Lilo. Ah, moi, écoute, je... Il semble qu'on a tous passé notre temps, hein, nous autres. Ah oui, oui, c'est ça. Mais de voir les gens heureux, tu sais, les gens, tu sais, tu sortais dehors, l'été, il faisait beau, puis tu voyais les gens, juste les gens, assis, à prendre un café. Qui faisait des gens qui ne se connaissaient pas et qui prenaient le temps de s'asseoir puis de jaser. Ça, là, c'était le. C'était comme un cadeau, là. On arrivait et puis il y en avait un qui était mépris, il y en avait un autre qui était mépris. Et puis. Mais aussi, si tu laisses ça aller, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça que tu fais. Tu sais, il y a des artistes, à un moment donné, il y a des gens qui vont vivre le lieu aussi. Puis si tu laisses ça aller, ben tu reviens. Ben, là, c'est ça qu'à un moment donné, il disait, l'œuvre utile, le but, je pense, c'était de faire venir du beau, de mm-hmm. d'inciter ou de convaincre mettons, la ville de faire un parc, puis de réaliser leur projet, puis d'accoucher de quelque chose. Là, puis surtout, il fallait pas que les gens que là, ça se tirait au fusil. On ne voulait pas revoir ça dans le quartier. Mm-hmm. Il ne fallait pas le laisser aller. Là. Puis avec Régent aussi, Régent Lebrun, il a dû s'impliquer à un moment donné. Il doit. Oui, même lui, à Lilo. Puis à quelque part, il doit encourager ça aussi. Ah oui, Régent Lemoine, c'est un chic type. Régent Lemoine, c'est ça. Puis tout ça. S'encourager. Ah oui, il passait tous les jours et tout ça. Mais. Puis comme les employés du soleil et tout ça, à tous les midis, là, ça venait manger sur les tables de pique-nique, là. Tous les commerces, là. Tant qu'à parler de Jean Lemoine, est-ce que vous savez pourquoi il avait démissionné? Rappelez-vous pourquoi il avait démissionné? Parce qu'il s'était fait élire en 89. Ouais. Et ça n'a pas duré trop longtemps, il a démissionné, il est devenu indépendant. Je sais pas du tout. Okay. Ça, je pourrais avoir des informations par Pierrette, ça. Parce qu'elle est communautaire, elle, mais plutôt... Parce qu'elle connaît M. Lemoine. Oh oui, elle connaît très bien Régent et tout ça. Parce que lui, c'est... Tu lui demander? Moi, je pourrais répondre à... Oui, parce que lui, là, c'est un... Lui, c'est un... Comment qu'appelle ça? Donc, un historien, lui, mm-hmm. hein? Il a tout un livre là, sur l'ami. Ouais, oui, oui. Mm-hmm. Mais oui, j'ai vu ça passer. C'est extraordinaire, lui. Mm-hmm. Ah, lui, tu l'écoutes, là, et puis, c'est... Oui, c'est... Ah, c'est vraiment, c'est là... Extraordinaire. C'est extraordinaire, et puis tout ça, vraiment, là, il est calé, puis... Je sais pas pourquoi qu'elle a démissionné, je sais pas s'il y a eu une chicane avec le rassemblement, je le sais pas. Fait que là, si je comprends bien, c'est sûr que vous n'êtes pas des gens très politisés, très partisans, c'est vraiment pas des militants politiques. Non. Est-ce que, qu'est-ce qui vous poussait? Est-ce qu'il y avait aussi peut-être la religion? Parfois, on parlait de Gilles Keg. Gilles Keg, c'est quelqu'un de très croyant, ça. Est-ce que vous-même, vous êtes croyante? Est-ce que c'était quelque chose qui vous poussait? Qui vous venait, je suis croyante. Nous aussi, on était croyants. Et puis, t'as pas question de religion. Nous autres, c'était vraiment là pour... c'était vraiment pour aider les gens. Mais les Louis ne croyait pas à l'Église de l'homme. Non. Pour lui, ça, c'était des règles faites par les hommes. T'sais. Lui, il croyait à un être supérieur qui créait la beauté. À l'extérieur de l'Église catholique. À l'extérieur de l'Église, il croyait à ça, lui. D'ailleurs, sa signature là, de ses toiles, c'est Dédé Alès Fortier. C'est Dieu Denise Louis Fortier. Fait que lui... Oui. Mais il croyait pas à... Parce qu'il disait toujours que le Vatican était riche à craquer, qu'il venait à limousine, casser le pain avec les pauvres, puis après ça, il repartait dans sa limousine. Lui, c'est un peu l'image qu'il avait, là. La signature, tu dis, c'est Dieu, Denise, Louis Fortier? Ouais, c'est Dédé, Alès Fortier. Là, ça a évolué. Au début, c'était juste Alès Fortier, puis on en est... Ça, Okay. Puis, même, comment de fois que Louis a demandé de l'aide aux communautés religieuses, et puis tout ça, puis ils n'ont jamais voulu. Puis là, le 24 décembre, Louis disait, regarde, il part de l'archevêcher. Là, les caméras étaient rendues le 24 décembre. Louis, ça là, et puis on se disait, c'est-tu épouvantable? De prendre des. Lui, il arrivait l'archevêque, tu vois, là, il servait l'homme, là, c'était un itinérant, là. Tu voyais que c'était pas. C'était un homme qui était. Puis là, lui, il servait. Là. Lui, là, tu avais la grosse caméra qui les suivent, là, encore aujourd'hui. Mais par contre, là, t'es pas un peu dur, parce qu'il y avait. Il y avait le curé Fournier. Fournier puis Mario Dufault. Mais les autres, là, les autres, ils pratiquaient la charité. Et Mario Dufault. Les autres, il me semble, j'ai un beau souvenir de ces gens-là. Ah, Paul-André Fournier, il est devenu évêque à la rue Mosquée. Moi, je l'ai adoré. Lui, il était accessible. Il venait à Lilo, là. Lui, il l'aimait tellement. Et puis, il est parti à Rimouski, puis c'était Mario Dufour. Et Mario Dufour, c'était un curé, c'était un jeune curé, il avait à peu près 30 ans. Et puis, lui, il était à l'église Saint-Roch. Ça fait que, mais les religieuses avaient des petites chambres, hein, avec un lit, un miroir, un genre de petit lavabo, puis un bureau. Mm-hmm. Bon, ça. Puis les prêtres disaient, ils sont nos servantes, les religieux. Et les autres, les prêtres, quand ils arrivaient à l'église Saint-Roch, il y avait les belles grandes chambres, puis les religieuses étaient leurs servantes. Fait qu'à un moment donné, Mario Dufour, une semaine d'heure, mais ils viennent de temps en temps, ils font une réunion avec les religieux, et ils disent, vous allez déplacer vos affaires et vous allez prendre les grandes chambres. Non, non, monsieur. Non, mais non, monsieur le curé, monsieur Dufour, non. On n'a pas le droit. Il dit, moi, je vous donne le droit. Fait que quand les curés descendaient pour aller à l'église Saint-Roch, tout ça, quand les curés puis les évêques qui ont vu qu'ils avaient donné des grandes chambres, ils ont donné. En tout cas, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit qu'ils sont supposés d'être notre servante. Donc, c'était normal qu'il y ait une petite chambre. Lui, il disait non. Mario Dufour, il disait non. C'est sûr qu'il n'y avait pas, Louis. C'est ces règles-là. C'est quand même misogyne règle. Tu sais, il y a quand même un. Lui, il était plus progressiste, tu sais, dans. Mm-hmm. Ouais. Puis. Lui, il disait. Tu sais, nous autres, chez nous, c'était. Ta mère, c'est pas notre servante. Puis tu vas faire. C'est pas elle qui va te torcher. Puis tu vas. Tu sais, il y avait un souci, tu sais, d'équité, là. Ah oui, et parce que Louis, là, quand les enfants sont au secondaire, il est réveillé le matin puis ça se levait pas. Fait que Louis il dit, je vais régler le problème. Parce que lui, il était 5 ans plus jeune que son frère. Fait qu'il a commencé avec son frère. Puis il était en secondaire 2, puis il ne voulait pas se lever. Fait qu'il dit, viens, ils vont aller acheter un réveil le matin. Fait qu'il dit, allez, sais-tu comment ça marche? Je vais te montrer comment ça marche. Puis tu dis, le matin, quand ça sonne, tu te leveras. Et il dit, nous autres, on ne passera pas le restant de notre vie à crier après toi. Il n'en est pas question. Et là, Eric, il pensait, il passe sous l'ouïe. Comment ça se fait que tu ne m'as pas réveillé? Il dit, je t'ai acheté un réveil le matin. C'est fait pour ça. Si tu vas à l'école, tu vas aller à l'école, tu y vas. Si tu ne veux pas y aller, c'est ton choix. Mais dis-moi, là, l'école m'a appelé parce que tu ne vas pas à l'école, là. Non, non. Je te dis que le matin, le réveil le matin, il se levait puis il allait à l'école. Puis il a fait la même chose avec lui. Là, à un moment donné, Eric, il dit, « Maman, tu n'as pas repassé ma chemise. » Ah ouais? Et tu viens là avec moi, hein? Parce qu'il sort la planche à reposer, le fer à reposer, collecte, il dit, je vais te montrer comment ça marche. Collecte le fer à reposer. Là, tu vois, c'est permanent, coton et tout ça. Là, il dit permanent, c'est ça. Et je vais te montrer comment ça se repasse une chemise. Je vais te montrer comment ça repasse un pantalon. Puis tu ne viens plus jamais nous acheter. T'as-tu compris, là? tu sais comment ça marche, là? Puis lui, c'est pareil. Il dit, vous allez être autonome. C'est sûr autonome. Que quand tu arrives avec une église, ou, tu sais, mettons, la femme, on va se le dire, là, quand même, une place de second ordre, là, ça faisait pas. Mais t'as quand même des personnages qui vont s'illustrer, comme le Fournier, puis l'autre personne. Ah oui, oui. Mario, tu vois, lui, il les aimait parce que il venait à Lilo. Il venait à Lilo, puis il s'impliquait, puis et tout ça. Mais Louis, qui le répugnait, c'était de voir l'évêque là, le 24 décembre. Là, ils font encore ça, là. Ils descendent à l'église Saint-Roch. Là, les caméras le suivent. Là, l'archevêché. Louis, il dit, puis là, tu le vois, là, c'est encore aujourd'hui. Là, tu vois l'archevêque là, qui va chercher. Là, c'est quelqu'un qui lui donne la soupe, là, hein, le plat. Puis lui, il va le porter, là. Hein, tu sais. Louis, il disait, quelle humiliation pour la personne qui recevait ça. Là, il montrait aux caméras la misère du monde. T'as pas besoin de montrer la misère du monde. Non. Là, tu voyais là, le curé. Bon, là, le curé, il est reparti. Puis là, tu vois que il est reparti dans sa limousine. Ah, Louis, tu sais, regardez. Il vient juste le 24 décembre, juste pour... C'est vrai, il descendait à Basse-Ville juste le 24 décembre. Juste le 24 décembre. Il capotait. Ouais, parce que Louis, merde. Puis, ouais. Ce que Louis n'aimait pas, c'est que lui, il est allé dans une... Louis, il est dans une école de réforme. Et puis, c'était les prêtres. Il a toujours détesté les prêtres. Tout le temps. À coup de règle, hein? À coup de règle, à coup de... Il était à Saint-Germain, dans la boue. Il s'est sauvé. Il a eu une pneumonie en plein hiver. Et puis tout ça. Puis je le comprenais parce que son père, il était malade. Tuberculose, dans ce temps-là, il ne sortait pas. Hein. Sa mère, elle restait sur la rue des Forges, tu sais, où le bar mobile, là, tu vois, à mille, la crème glacée, la maison en arrière. Puis l'autoroute Robert Bourassa, c'était des champs. Elle, à partir une fois par semaine, elle faisait ça à pied jusqu'à l'hôpital Laval. Parce que c'était des grands champs. Hein. Puis elle revenait à pied. Mmh. Il faut le faire une fois par semaine. Puis avec eux autres, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était une grosse misère. Puis elle avait mis. La maison n'était pas finie parce qu'elle avait tombé. Puis elle avait mis des boîtes de carton pour les murs. Puis elle avait tout peinturé ça. Elle avait mis quelques cadres, tu sais. Elle habitait dessus. C'est à ce niveau-là, c'est que c'est Vanille, ça? Du berger. Du berger. Ouais, elle montait. C'était la grosse misère dans ce temps-là. Surtout quand un homme tombait malade. On dit qu'il avait un rôle de pourvoyeur. Oui, de pourvoyeur. Et puis c'est pour ça, là, Louis, son père lui manquait probablement. Et puis, au lieu que. Et si quelqu'un m'avait dit, juste une claque dans le dos, t'es capable, Louis, t'es capable, tu sais. Mais non, c'était les prêtres qui le frappaient, moi, tu sais. Puis là, il n'est plus dur encore. Et tout ça. Fait que. Et tu m'as appris la patience. Oui, parce que lui, il avait la rage au cœur quand il était jeune. Aïe. C'est quand qu'il commençait à peindre, puis là, c'était pas. Tu voyais le pinceau passer, la peinture. Là, tu sais, bon, tu t'es défoulé. Ben là, il faut que tu t'aies ramassé ton pinceau, tout ça, peut-être. Et tu m'as appris la patience. Et tu m'as appris la patience. Tu sais, parce que quand il chicanait parce qu'il y avait un caractère fort, moi, je ne me chicanais pas avec. Bon, on ne peut pas tout le temps. Mais le dimanche matin, il disait, bon, là, tu as dit ce que tu avais à dire, Maintenant, matin, tu t'assois là, on déjeune, là c'est moi qui parle, je vais te donner mes opinions. Et tout ça. Ouais. Ouais. Parce que ça donne rien. Si quelqu'un est fâché, là tu te chicanes avec, puis là, c'est la grosse, grosse chicane, là tu te laisses faire. Je laisse faire sa crise. Et puis là, je m'assoyais dimanche matin, puis je disais, ben là, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais là, maintenant, tu te tais, et moi, je vais apporter mes arguments. Ah, ben, ça vient du bon sens. Explique-moi pourquoi que tu te fâches comme ça. Il y a quelque chose en dedans de toi qui n'est pas bien. Et puis, à un moment donné, puis il y avait des migraines, il y avait des migraines. Tu n'es pas capable de voir la lumière. Et un dimanche matin, je lui avais dit, tu es électricien. Il dit oui. Tu n'aimes pas ton travail. Tu hais ton travail. Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il n'est pas heureux là-dedans. Il gagnait 60 000 dans les années 73. Puis il a tombé valide en 84. Alors, l'hiver, dans ce temps-là, la construction ne travaillait pas. Faisait attention au budget pour bien arriver avec l'assurance chômage avec les deux enfants. Et puis, quand il a lâché l'électricité, ses migraines l'ont arrêté complètement. Puis là, j'ai toujours dit, si tu as des migraines, tu as mal à la tête, il y a quelque chose qui ne va pas bien. J'ai dit, est-ce que tu veux avoir dans la vie ou être? C'est à toi seul d'en décider. Là. Et dis-moi, ma passion, c'est la peinture, la musique. Puis faire comme Milo Fleury faisait, ben j'ai dit, va-t'en la tête. Mais comme j'ai dit, tu n'auras pas de voiture de luxe, tu n'auras rien. Il faut que tu y penses. Réfléchis. Réfléchis très bien ce que tu veux faire. Là, tu pars de 60 000, tu vas tomber à 20 000. Pense-y, si tu es heureux comme ça, ça va être bien. Et l'eau, ça le nourrissait aussi. C'est quand on disait qu'est-ce qui le motive. Mais... ouais, il est tombé bien. Les montagnes ont arrêté. C'était incroyable. Les montagnes ont arrêté. Puis avec l'eau, il adorait l'eau. Il adorait les artistes. Il disait. Là, on a construit l'îlot Fleury. Et ça ne te fait rien, Denise. Il dit, on va aller dans une autre ville pour faire la même chose. J'étais tellement fatiguée. J'étais tellement brûlée parce que j'avais mon commerce aussi. J'ai dit non. Oh, moi, je suis fatiguée. Il y avait du monde qui venait déjeuner à 7 h du matin. J'étais couchée des fois et disais, oui, je suis venue déjeuner. Là, je me levais, là, je leur préparais déjeuner. Des fois, ils dînaient, puis ils soupaient. Puis tout ça, puis j'avais les enfants. Fait que là, j'ai dit à lui, là, non, là, à 7 h du matin, là, ils vont se calmer les dents, ils vont regarder, là. J'ai dit, mais ça, ouais, c'était là, les artistes qui venaient. C'était les artistes qui venaient. Tu sais, puis il y avait un grand avocat qui venait chez nous. Et puis lui, il restait sa rue des Braves. Puis il venait chez nous. Il dit à Louis, franchement, Louis, il dit, tes chaises, on est mal assis, puis tout ça. Et Louis, ça a l'air de rien dit, chez vous. Louis, il a dit, ouais, Louis, il dit, t'as une maison de 750 000, va-t'en chez vous. Oui. Va-t'en chez vous, il dit, oui, je t'ai pas rien demandé, va-t'en chez vous. Ouais, mais il dit, shit, je suis bien. Ah oui, c'est ça, c'est marrant. Chez nous, je suis pas bien, puis ici, je suis bien. Puis Louis, il avait la mauvaise manie. J'avais une chaise antique, des chaises antiques, mais il y en avait une qui sortait les ressorts. Puis quand il est là, il voulait pas quelqu'un, là, quelque chose, il assoyait sur sa chaise-là, puis là, il allait tout bas du côté. Là, il dit, on est mal assis, t'as mon petit chien. Ben, il dit oui, il dit quand les gens m'emmerdent, ben, il dit ça. C'est ça, ce moment-là. En tout cas, il dit va-t'en dans c'est ta maison. C'est épouvantable. 750 000. Il dit t'as une maison de 700 000. Tu as vu des bras, va-t'en chez vous. entre la grande allée et tu vas te genou. Il y avait une arme chez nous. Hein? Il y avait une arme chez nous. Ouais, il disait que quand il était chez nous, il dit, je suis tellement bien chez nous. Puis il dit, on est tellement bien ici. Bon, ben lui, il arrête de me casser les pieds, puis il assis toi. C'était ça, c'était son âme. C'est ça, lui. Et vous, ça vous faisait bien aussi, imagine. Bilo, c'était quoi? Ben moi, là, je veux dire, je m'occupais, oui, j'aimais ça, Lilo, mais moi, j'avais le trouble en arrière. Lui, et ça. Bon, s'il voulait avoir, là, moi, j'ai. Le trouble dans le sens de. S'il y avait besoin, moi, j'étais distributeur de circulaires, moi, j'avais des camions, mais là, j'allais distribuer des puissants. Mais là, à un moment donné, il disait, oh, ben là, je prends ton truck pour aller chercher de la terre, ou je vais chercher des fleurs. Mais là, il dit, bon, une minute, là, j'ai besoin, j'ai des employés, là, attends un peu, là. Fait que, c'était. Puis là, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est les journalistes. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'était Radio-Canada, c'était TVA, c'était TQS, t'avais la radio, et là, il y avait une interview. Il a passé dans mes clines à travers le Canada. Et puis, là, j'allais chercher Lilo. Il disait, Louis, Robert Gillette. Louis, c'était TVA, Louis. Et puis là, je descendais au deuxième étage, puis j'allais le chercher. Et ça, j'ai trouvé ça dur. Ça, j'ai trouvé ça bien dur, parce que t'étais tout le temps le téléphone, puis tout le monde voulait lui parler, puis tout ça. Il disait, ben j'ai pas le temps. J'ai dit, là, écoute un peu TVA, là. Et là, à un moment donné, il y a plein de monde chez nous, il est 5 heures. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ce monde-là chez moi? Les autres étaient jeunes, ils ont faim, il est 5 heures et demie. Fait que là, j'ai dit, là, c'est des gens qui venaient beaucoup à Lilo, et puis qui avaient fait une réunion pour demander de l'argent à Ville, puis tout ça. Puis il dit, va chercher Louis, puis tout ça. Je dis, Louis, savais-tu ça, tu avais une réunion chez nous, toi, pour aller chercher 100 000, 200 000? Ah oui, ça, c'est les gens qui voulaient régler leurs affaires. Ils voulaient tout régler leurs affaires. Ils voulaient avec elle. Et il dit, Louis, je vois pas. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et les autres, ils avaient faim. Puis là, là je me navais, là. Là, à un moment donné, je rentre. Et j'ai dit, ben voilà, il n'y a pas de réunion. Comment ça se fait? Là, c'est la crise en maison, du tout au menu. J'ai dit, Louis est dehors, allez voir dehors. Mais j'ai dit, là, je suis tenu. Aïe, c'était plein, là, là. J'ai dit, là, ça vous fait rien, là. Allez le trouver. Et je, là, les enfants, ils ont dit, là, mon mère, on est tanné. J'ai dit, oui, qu'est-ce que ça veut? Là, tu sois une vedette, là, on est tanné. Pour vous, c'était du trouble, là. C'était tout ça. Vous aviez le job à faire, il y a la famille, je veux dire. C'est aussi beaucoup vous qui vous occupiez de la bouffe, des affaires. Ah, il cuisinait quand même pas mal. Cuisinait. Cuisinait pas tellement pour les lots, là. Non, mais je veux dire, pour chez nous, mais ça, je. Ouais, il a commencé. Ouais. Il faisait des recettes, là, oui. Mm-hmm. C'était bon. Il partageait des tâches ménagères. Non, jamais. Donc, nous autres, ils nous demandaient de participer. Non. Okay. En même temps, avec ses pieds, je sais pas. Il marchait avec une canne, il avait tous les talons, les pieds brisés et tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, il avait mal aux pieds. Il avait mal aux pieds, c'était incroyable. Puis moi, ben, j'avais des employés, parce que j'avais pas mal d'employés. Et tout ça, puis il y avait dans les circulaires aussi. Tu avais la grosse charge, mais quand il conduisait un camion. Oui, mais une chance. Mais il vous gardait. Aussi. Il vous gardait parce que là, c'est bien beau, il faisait sa peinture puis tout ça, mais il fallait que l'argent rentre aussi, là. Et tout ça. Puis moi, quand j'arrivais, il y avait Lilo, puis tout ça. Et puis c'était plaisant le soir. Le soir, il était à 9h, c'était le soleil plombait. Il partait, là. C'était plaisant. Les tables étaient pleines. On veillait là. Ça, j'adorais ça, par exemple. J'aimais ça. Les jeunes, ça s'amusait. Mais c'était un plaisir. Vraiment, là, c'était un plaisir de voir les gens heureux. Ça, je dis à Louis, première étape, c'est ça que tu fais. C'est de rendre les gens heureux. Oh, toi aussi, tu as participé beaucoup. Ah oui, avec Irénée. Il dit à moi, Denise, il dit, faut faire quelque chose, parce que dit, moi, je suis en train de me ruiner. Ben, j'ai dit, on est deux. Ouais, parce qu'elle, ça s'occupait de tout, tu sais. À un moment donné, tu sais, la ville avait dit, tu avais dit qu'il fallait qu'on s'en aille un matin. On ne pouvait plus garder à la maison. Ah, ça, là, parce que Louis, il avait pas assez de revenus. Et puis, là, je lui dis, le dimanche matin, j'ai dit, tu t'assois à ma table. Il dit oui. J'ai dit, parce que il était sur la CSST, il était toujours sur l'ancienne loi. Il n'y avait pas de hausse du coût de la vie. Donc, j'étais obligée d'aller prendre ma belle-mort. Je veux dire que c'était pas indexé, là, c'était comme ouais, tu sais. Puis ça coûtait cher, cette maison-là. 400 piastres de taxes, 400 piastres de chauffage. 250 piastres par mois pour l'assurer. Parce qu'ici, là, pour assurer les maisons, là, c'était 125, puis tu avais l'électricité, tu avais tout ça. Fait que je lui dis, j'ai dit, écoute, je peux plus garder la maison. J'ai dit, écoute, elle coûte trop cher. Puis j'ai dit, j'arrive pas. En temps normal, un homme, une femme qui dit, comment ça, puis tout ça. Lui, il me regarde, puis il prend son thé, là, son devoir. Il avait une grosse tasse de thé. Il dit, moi, ça fait 18 ans que je suis ici, puis je suis encore surpris d'être encore assis ici, dans cette maison. Je me suis comment tu faisais pour arriver. Mais il dit, tu sais, il dit, tu vas m'arranger ça, les taxes, là. Il dit, ah, oh, tu vas m'arranger ça. J'ai dit, il va falloir se serrer plus la ceinture. Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, c'était pas un drame. C'était pas un drame. Il dit, je pensais jamais de rester 18 ans dans cette maison-là. Je suis encore surpris. Fait que j'ai arrangé le budget, puis. C'est une grosse charge, ça, quand même. Non, mais c'était une grosse, grosse charge. Puis là, t'as des. Là, tu avais les gens, ils faisaient de la peinture, puis ils arrivent en Cadillac, puis en Jaguar. Et ils ont dit à Louis, tu as du talent pour la peinture, on va t'envoyer en Europe. Puis là, il dit à moi, madame, vous allez vous promener en Cadillac, en Jaguar. Tu dis, on va attendre. Fait que Louis, il disait, il dit, la peinture me prend tellement d'énergie que des fois la tête là, veut exploser. Et il dit, je vais te faire un papier des peintures passées, présentes et à venir. Et Michel Paquette, mon voisin, il avait signé. Fait que là, les autres, ils arrivent, ils ont dit, on vient chercher l'œuvre. Et puis, il dit, vous, madame, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Et il dit, c'est Louis Fortier de Pain, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Fait que j'ai dit à Louis, tu t'es fait avoir avant, il demande l'exclusivité, mais ils font rien avec. Si tu donnes l'exclusivité, puis que tu ne demandes rien, ils ne s'en occupent pas. Fait que j'ai dit à Louis, j'ai dit, on va voir s'ils sont sérieux, parce que j'ai de la manière qu'ils parlent, qu'ils sont très riches. J'ai dit, à chaque année, ils vont te donner 18 000 par année. Donc, ils vont être obligés de vendre tes tableaux. Si tu n'exiges rien, ça va faire comme les autres galeries, ils ne s'en occuperont pas. Fait que lundi matin, je vois arriver ça. Ça fait qu'il dit, il monte. Il dit, on vient chercher les tableaux. J'ai dit, est-ce que vous avez le chiffre de 18 000? Il dit non. Ah bon. J'ai dit, si vous n'avez pas de chèque de 18 000 certifié, ou vous reviendrez dans 10 jours quand le chèque sera passé. Il part enragé. Ils n'avaient pas d'affaires là-dedans. Ça ne vous regarde pas. C'est pas de vos affaires. Il arrive à Lilo. Il dit, oui, il dit, ta femme ne veut pas laisser aller des tableaux. S'il n'y a pas 18 000. Oui, oui, il dit, Denise me dit, parce qu'avant, je donnais l'exclusivité, personne ne faisait rien avec. Enfin, il dit, ah non, 18 000. Et il dit, elle n'a pas d'affaires là-dedans. Il dit, oh, oui, oh, oui, oui, oui, oui. Il dit, Denise, j'ai fait un papier, passé, présent et avenir. C'était elle, les tableaux. Il rentre dans la maison et il dit, pour les tableaux, j'ai gardé de la porte, là, dehors. Il dit, je les garde. J'ai gardé son œuvre. C'est pour ça qu'on a toute son œuvre intacte. Puis, parce que l'argent, c'est bien beau. Et puis, ces deux personnes-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un monsieur, deux messieurs, qui achetaient les maisons des personnes âgées à Sillery. Il leur donnait 30 000 $ d'account. Et puis, les autres, ils disaient, ben là, on va prendre, on va vous donner le reste plus tard. Donc, mais il y a des personnes âgées qui s'est fait avoir parce qu'ils ont été obligés de réemprunter pour leur maison. C'était de la fraude. Ils n'ont pas aussi été vieux, ils n'ont pas aussi. C'est des fraudeurs, ce genre-là. Des fraudeurs. Puis ils venaient, là, un gros jaguar, un gros sapin, puis je ne me pressionnais pas beaucoup. Bravo! Je pense que vous étiez là. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que moi, je me disais. Parce que si t'étais pas là, il n'y a rien qui marchait. Là. Non, il m'a lui dit. Lui serait mort. Ouais. Il m'a dit que si j'avais pas été là, que j'étais carafini itinérant, clochard. Ouais. J'aurais demandé la question parce que là, le temps passe. Mm-hmm. J'aimerais savoir, c'est quoi que vous aimeriez qui reste de l'îlot? C'est quoi que vous aimeriez qui encore souvienne de l'îlot Fleury? Qui se souviennent que Louis, quand on a fait Jean, que c'était son âme. Que c'était. Qui c'était un altruiste, comment on appelle ça? Un altruiste. Là? Oui. Mmh. Qui pensait aux autres. Qui il voulait que les gens soient heureux. Pour que les gens qui aient des familles, qui aient des enfants, qui pouvaient jouer dans le quartier. Parce que dans le quartier, il n'y avait pas d'enfants. Il était les deux seuls, puis il n'y avait pas d'autres enfants. Oui, c'était juste l'autre bord de Charest. Hein. Oui, il y avait juste l'autre bord de Charest. Qu'on se souvienne que c'était sur l'île, qu'il y avait une grande âme. Et puis j'ai toujours dit, ils ont des médailles, les grands Québécois, mais lui, il n'y aura jamais de médaille parce qu'il est décédé. Parce que la ville, elle donne des médailles, le gouvernement aussi. Mais c'est un grand Québécois qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre. Puis quand que le maire Lally lui a dit, qu'est-ce que ça te fait, Louis, là? Que Lilo, qui ça, il dit, c'est extraordinaire, vous emmenez du beau. Avec votre pape, vous allez emmener des familles, vous allez emmener des commerces. C'est ça qui est extraordinaire. C'est l'âme de l'île. C'est ça qui. C'est la mixité d'un quartier aussi. Hein? C'est la mixité d'un quartier, d'avoir amené l'or dans la rue, d'avoir sorti les gens d'isolement qui étaient seuls, d'avoir amené les personnes âgées avec les enfants, d'avoir remis ce monde-là ensemble, puis d'avoir fermé aussi une plaie pour certaines personnes qui avaient exproprié. Qui ont été capables de mettre un point sur leur histoire, puis peut-être de passer à autre chose. Ouais. Ça a peut-être donné lieu à des guérisons insoupçonnées qu'on ne saura jamais. Oh non, parce que je me dis, de voir tout ça aujourd'hui, et puis on a la coopérative, les Loups Fleury. Puis quand je me promène dans le quartier, je sens l'âme. Ouais, c'est ça. Quand tu es dans. Tu sens l'âme de Louis. Comme t'es, ici, là, il y a un autobus. Il y a une petite famille à côté, voisine. Il y a un autobus scolaire qui vient parce que lui, il y a des enfants qui vont à une école anglaise, je pense. Moi, j'ai jamais vu ça. dans la rue ici. Un autobus scolaire. C'est la première fois que j'en vois. C'est comme un beau, une belle conclusion. Oui, c'était... Y a-tu quoi de plus vivant qu'un autobus scolaire? C'est vrai, hein? C'est sûr que Louis, pour les enfants. On voulait devait avoir des familles, devait avoir... puis quand il est décédé, je me souviens, il était très souffrant. Puis il m'avait dit, je te laisse, je meurs, mais je te laisse tellement dans l'arbre, ça n'a pas de bon sens. Et puis je me disais, il était souffrant. Puis je me disais, il connaissait des masseaux, des ciboulots, l'acupuncture, le chiro. Là, j'y disais, il dit, je souffre. J'ai dit, quand on va vous faire un arrangement. Fait qu'il dit, va sur le masseau, va sur le chiro, va sur l'acupuncture. Puis il connaissait tout un quartier. Puis ils ont dit, tu devras donner ce qu'elle vient de nous payer après. Et quand il est décédé, je devais 3000 piastres au chiro. J'en devais 2000 au masseau. Puis 1000 piastres à l'acupuncture. J'ai tout été payé ça. Puis je me disais, ça lui a permis de soulager les souffrances. C'est souffrant. Mais je me dis, j'ai pas compris grand-chose. J'aurais compris. Parce que il n'y a rien de plus beau que de voir, il était malade, je savais que c'était fini, mais il n'y avait plus de pouvoir. Mais il m'arrivait, c'est, oh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Puis je lui disais, dans la vie, c'est pas d'avoir d'argent. Dans la vie, c'est d'être heureux. Avoir, ouais. Il disait, oh non, je veux faire ma peinture. Puis le plus beau compliment qu'il me disait, quand il faisait moins 50, là, moins 40, puis il y avait ses chums qui allaient travailler sa construction. Puis lui, il était assis dans la maison, puis il disait, je suis chanceux, hein? J'ai 40 ans, 41 ans, je suis assis chez moi, je prends du café au chaud. Je ne suis pas en train de travailler sa construction. Puis c'est ça aujourd'hui que les gens, ils ont beaucoup à apprendre. Je dis toujours, un être humain, c'est vivre et laisser vivre. C'est comme un oiseau. Louis, c'était comme un oiseau. Si tu prends un oiseau puis que tu le retiens, il va s'en aller, il va s'évaporer. Mais si tu le laisses aller, l'oiseau va toujours revenir. Tout le temps. Tu n'auras pas besoin de te forcer. S'il est heureux, les gens sont bien, l'oiseau revient. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est une belle conclusion. C'est ça. C'est bien. C'est une belle philosophie. Oui. Parce que moi, mon père, il voulait toujours. J'ai travaillé.